Oui, allô? Oui, bonjour. Je viens de manger chez vous ce soir et je suis vraiment pas bien. Je pense que j'ai chopé un truc. Je vais appeler le doc demain soir, ça c'est sûr. Mais franchement, je suis pas bien. Et je viens de manger chez vous. Mais je sais pas, mais je vais appeler, je pense, le service sanitaire hein, pour vous balancer. C'est vraiment de la merde, votre resto. C'est vraiment pas bon et c'est de la merde ce que vous donnez à manger. Même à mon chien, je donnerais pas pareil. Vous avez mangé quoi, monsieur? Bah, j'ai mangé votre plat du. Votre spécialité que vous m'avez conseillé. Je pense même que c'est vous qui m'avez servi. J'étais avec ma femme, vous vous souvenez? C'est de la merde! Non. J'ai mal au cul maintenant. Bon, vous comptez faire quoi? Vous comptez faire quoi pour m'arranger ça? Mais je sais pas, monsieur, que vous êtes venu aujourd'hui? Oui! Vous comptez faire quoi? J'ai mal au cul, j'ai envie de chier. Tout le temps envie de chier. Je sais pas, moi, je vais. C'est pas. C'est à vous de faire ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai pas rien à faire, monsieur. Vous pouvez rien faire! Moi, c'est le tribunal. Que je fasse. Moi, c'est le tribunal que demain. C'est dégueulasse. Que je fasse, moi, je suis sûr qu'il y a des rats dans vos cuisines. Alors là, on va aller toujours au tribunal. Hein. On va au tribunal. Allez, on va au Allô? Je peux pas l'énerver comme ça. Allô? Et malheureusement, il a raccroché aussi. Il est pas en forme, Kaufmann. T'es prêt, Françoisich? Ouais, je suis prêt. C'est toi qui dis Cole, on appelle un célèbre restaurant bruxellois. Hein. C'est-à-dire? La Bécasse. Okay. Bon, c'est célèbre, c'est juste à côté de chez moi. C'est vrai, c'est connu, c'est ouvert de nuit. Hein. Ouais. C'est cimetière d'Ixelles à Bruxelles. Ouais. Ils sont sympas ou pas? Ah, très sympa, toujours connu, sympa. Mais tu vas rien entendre. Ah merde. Non, ça va aller, on est lundi. Tu peux faire une blague sur un canard? Ah, ils sont ouverts le lundi. Ah oui, ils sont ouverts. Mais ils sont ouverts tous les jours, 7 jours sur 7. Ah oui? Ouais. Un des meilleurs spaghettis de Bruxelles. Quand faut-il que ça décroche? Dis que t'as mangé des spaghettis. Ok. Allez. Oh, c'est pas vrai, ils décrochent pas. Ils sont pas ouverts. Hein. Oh, c'est relou ça. Attends, on appelle un autre en même temps là. Ils ont quoi là? Champs-Élysées, palapalapa. Oh, Champs-Élysées, palapalapa. Ah, vous êtes cons. Féfé sur l'échange et pas loué. Pas loué. Vas-y. Allô? Non, mais je raccroche en même temps. Eh, mais c'est pas possible ce soir, on n'y arrive pas, j'ai l'impression. Ça ne fonctionne pas. Coralie, on a encore quelqu'un, s'il te plaît, ou pas? Oui. Ah, c'est gentil. Allez. Tu vas en train ou en voiture demain? En Thalys. As the news have called. Oh, mais non, qu'est-ce qui se passe là? I cannot be rich. Vas-y, un autre s'il te plaît, Coralie, encore. Allez, un petit dernier, on va y arriver. On va y arriver, je sens qu'on va y arriver. T'as un numéro qui vient d'arriver au 34. Je sens qu'on est à deux doigts là, allez. Ouais. Pas loué. Pas loué. Pas loué. On va pas le dire, hein. Parle. Allez, c'est parti, on rappelle encore une fois. C'est gentil. Ah, c'est le Françoisich, hein, toujours. Ok. J'espère que t'aurais un meilleur standard demain quand même. Ah, bah, j'espère aussi. Hein. Ça serait con. À mon avis, les gens sont mieux payés là-bas. T'emmènes Coco avec ou... Non. Ah, non. On n'emmène pas ses cigares à Cuba. Allô? Bien. Ouais, c'est toi le bâtard que j'ai eu tout à l'heure? Allô? Comment ça, Skid? Allô? C'est toi le bâtard que j'ai eu tout à l'heure? C'est qui parle là? C'est moi, t'inquiète, je suis venu tout à l'heure, c'est toi le bâtard? Les gars, qui tu parles toi? C'est toi le bâtard? Hey! Putain! Ah, c'est Middle! Oh. Ouais, c'est Middle! Le mec s'est énervé, donc j'ai envie de dire que c'est gagné! Ouais, c'est gentil! Oh, c'est vite donné, hein! Palapalapa! Oh, Champs-Élysées! Palapalapa! Bravo Kaufmann, adieu bravo Françoise, bravo Tonton Roger. Bonne route à toi. Et bisous à Hollande. Tu nous envoies des cartes postales. Vous êtes cons les gars, je serai de retour après demain, c'est bon. Oh non, râlez pas. Reste un peu. Non, je vais rester, je ferai un coucou de votre part, y'a pas de problème. Il ramène des cartes postales, un prix qui est tour Eiffel. D'accord, très bien. Bon, bisous Coralie, bonne nuit à toi. Bisous, bonne nuit. Bonne nuit Françoise. Salut. Bonne nuit, Kaufman. Bonne nuit. Voilà, Kaufman, l'homme qui est au courant de tout le monde avant tout le monde. Ouais, je sais pas comment il fait. Ah, hein, même avant toi. Même avant moi. C'est ça qui est fort. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit je peux avoir Vince pour la soirée. Je dis d'accord. Cet homme il est fort. Bisous, tonton Roger. Une bonne nuit, Vince. Michael Bespace, bonsoir. Bonsoir, mon Vince, ça va bien? Mais ça va et toi? Bah ouais, ça va super. Code 9, et comment va le petit jeu maintenant là qui est. Tour Eiffel? Comment? Tu me ramènes une petite tour Eiffel aussi? Ouais, pourquoi je peux ramener la grosse, y'a pas de problème. Avec plaisir. Voilà. Bon, comment ça va? Comment ce soir? Bah écoute, nous ça va, on est là ce soir hein, jusqu'à 2h du matin et on va faire plein de choses. Il y aura tout à l'heure le clash de la merde auditive. En fait, c'est Jonathan et moi, on est opposés. C'est vous chez vous à la maison qui décidez à qui attribuer les points. D'accord, ouais. Et on doit sortir des sons les plus ringards possibles en rapport avec un thème. Ce soir, comme je ne connais pas le thème, je vais lui demander, Jonathan. Oui. Alors le thème ce soir, j'ai complètement oublié, putain. Oh, là, tu bosses avec un mec qui va être Rue Bayard, faut faire attention. Ah ouais, merde, ah, c'est vrai ça, c'est ouais, vrai ouais, ça. Mais je vais, tu seras pas sollicité. Hein. J'aime pas Paris, c'est pas grave. Non, ce soir le thème c'est les chanteurs dont la sexualité se réfère dans leur titre en fait. Elton John par exemple. Bah je sais pas, donne-moi un titre d'Elton John qui se réfère dans sa sexualité. Un plutôt truc Libertine, Mylène Farmer. Oh, ah, exactement, bien joué. Voilà. Libertine, talent. C'est pas moi qui vais à Paris demain. Désolé. Bon Mike, t'es prêt? Bah ouais mon Vin, je suis prêt. Allez c'est parti, Mike Obispo qui démarre tout de suite. Bon, eh, maintenant vous m'avez mis chaud d'assez en tête les mecs, hein. C'est ouf quand même. Bon, rendez-vous demain à partir de 20h sur Fun Radio, dans une émission très spéciale puisque ce sera le Love in Fun depuis Fun Radio France. Toute la Belgique et la France. Et puis, bah bonne nuit tout le monde. Voici Mike Obispo tout de suite qui démarre. Bonne nuit tonton Roger, tu peux bonne partir, nuit. Tu sais tonton Roger. Oui, mais je t'attends. Oh, ce que l'homme, comme il est gentil, dis donc. Allez, bonne nuit tout le monde. Bisous. 23h. La journée se termine. Vos paupières sont lourdes. La lumière vient de s'éteindre. Mais ne dormez pas encore. Un vent de liberté s'engouffre dans votre rue. Il souffle jusqu'à pénétrer chaque recoin de votre chambre, de votre véhicule. Vos poils se hérissent, votre pouce accélère. L'heure est venue de l'ouvrir. Ne restez pas caché sous votre couette. Levez-vous et montez le son de la radio. Montez-le encore, encore. Le voisin gueule, on s'en tape encore plus fort. Qui que vous soyez, où que vous soyez, la nuit ne fait que commencer. Total délire, 100% tolérance, 2. Radio Bordel, Mike Open Space, 1. Jusqu'à 2h sur Fun Radio. 0. Et on est là, bonsoir la Belgique, bienvenue tout le monde, c'est parti jusqu'à 2h du matin, 23h02. On est là, Open Space sur Fun Radio Libre Antenne, j'espère que vous avez passé un bon week-end les amis. Une bonne journée, on va réattaquer la semaine de la meilleure des manières qu'il soit. Avec l'Open Space, 3 heures de conneries à la radio. Équipe un petit peu réduite ce soir puisque Zezen n'est pas là, on en reparlera, on va l'appeler dans quelques instants. Oui, d'ailleurs l'expression il n'en restera qu'un n'est pas vraiment une expression, à la fin il restera plus que toi je crois. Hein. Oui je pense, puisque de jour en jour l'effectif diminue, je pense qu'ils partent tous à Paris aussi Rue Bayard, c'est clair. Je sais pas. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Mike, ça va? Comment ça a été le week-end? Week-end très très bien, hier j'ai passé une très bonne soirée avec toi et Coralie. Ouais, c'est vrai, on est parti en boîte, on est parti en te bois. Alors, à un moment t'étais pas là. Et c'était sa sortie du dimanche à Juche. Ah, Jonathan, pardon. Excuse-moi. Le refait plus jamais. Excuse-moi. Et donc, à un moment, t'es parti. Je sais pas où t'étais. À mon avis, tu devais aller aux toilettes. Et je suis resté en tête à tête avec Coralie. Oui. On a essayé d'avoir une discussion. Enfin, disons que j'ai essayé de l'écouter. Mais disons que Coralie, quand elle a bu un verre, elle fait des phrases comme les enfants de 2 ans. Donc, c'est-à-dire qu'elle oublie des verbes, elle oublie les compléments, il n'y a plus que des sujets. Et après, elle était dans un sale état, Coralie. Jamais j'ai vu ça. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va. On s'est réconcilié avec Coralie ce week-end, on vous a pris des petits snaps qu'on a mis directement sur le Snapchat de l'émission Mike Open Space. Ouais. Coralie qui décroche ce soir au 02851 4x0. C'est bien passé avec Vince? Oui, ça va. Bon, s'il t'emmène pas rue Bayard, je te garde avec moi. Ah, mais on la garde, hein, d'office. Hein. Bah oui, il faut quelqu'un pour faire les cafés, etc. Enfin, bon, je comprends. Et en plus, aujourd'hui, je suis tout content, j'ai mis une tenue un petit peu particulière, les amis. Ah, t'es trop bien habillé. Non, mais c'est pas... Enfin, vous pouvez pas le voir. J'ai mis un boxer. Ah, pas mal, bravo. Et bah, en hommage à Mohamed Ali, les gars. Ah, putain. Ah bah, décédé ce week-end. Ah bah voilà, vanne de merde. C'est parce que... Voilà. Voilà, et merci. Je voulais caler un son, mais c'est pas le bon qui est parti, en fait. T'as acheté un chien aussi? Un boxer? Un chien, un boxeur. Bon, il y aura de la... Ça va décoller à un moment donné dans cette émission. Ne vous inquiétez pas les amis, vous débarquez en direct au 30-44 sur l'SMS 02851 4x0. C'est la Champions League avec vous. Open Space, c'est la Champions League. Pa, pa, pa, pa. Open Space, c'est la Champions League. Open Space, bah c'est la Champions League. Bah ouais, on commence l'émission par ça. Il y aura Iris Riffy pour le son à s'écouter dans quelques instants. Ce sera bonne bonne. Non mais en tout cas, voilà, je tenais à dire un petit mot... concernant Mohamed Ali, parce que qui nous a quitté, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, la légende du sport qui nous a quitté ce week-end, la légende de la culture afro-américaine évidemment. Et puis, il a quand même battu un dernier record avant de mourir. Lequel? Bah, c'est le seul noir américain qui a pas été abattu par la police depuis au moins 5 ans. C'est dégueulasse. Donc bravo, bah, c'est la réalité de la police américaine aussi au bout d'un moment. Bon, les amis, plein de choses à faire ce soir. Dans quelques instants, on va tester un nouveau jeu, on va faire la course à la crème. Ah, c'est quoi? J'ai envie de vous balancer des tartes à la crème dans la gueule. Oh non! Et je trouverai n'importe quel prétexte. Mais t'es sérieux? Ouais, alors je vais mettre un co-animateur au bout de la rue de Fun Radio. Ouais. Je vais mettre l'autre à l'autre bout, à l'opposé. Oui. Vous devrez faire une course. D'accord. Le premier qui arrive en studio foutra une tarte à la crème dans la gueule de l'autre. Mais c'est équidistance quand même, hein. Voilà, et vous chez vous, la même équidistance. Oui, moi être animateur Fun Radio, hein. Moi pas comprendre mot plus de trois syllabes. Toi parler comme Coralie hier soir. Exactement, sauf que je suis pas bourré, c'est le problème. Donc, et vous allez pouvoir chez vous à la maison pronostiquer et parier sur l'un ou l'une d'entre nous. Vous pouvez nous appeler les amis, 3044 pour vous inscrire, 02 851 4x0, le numéro au café. Laura, qui est là, 26 ans à Bruxelles, bonsoir Laura. Ah, Laura qui doit être dans un autre monde actuellement. Non, apparemment c'est pas du tout Laura, c'est Nolwenn Leroy qui est avec nous. Qui taffe pour son prochain album. T'es là Laura? Laura! Mais sans déconner, fais quoi? Ah non mais attends. Ah oui, c'est parce qu'on a une nouvelle table de mixage, il y avait les touches téléphone qui étaient enlevées, donc Laura ne pouvait pas nous entendre. Tu es là Laura? Bonsoir, oui je suis là. Bonsoir Laura, on a entendu ton très joli timbre de voix. Ah super, mais mon timbre de voix est magnifique. Je n'en doute pas. C'était mieux quand tu chantais. On continue à chanter, hein, mais c'est pas un problème. Mais il pleut déjà. Vas-y, fais-moi une petite chanson pour le kiff, là, pour débuter l'émission, Laura. Spider cochon, il peut marcher au plafond. Ah, est-ce qu'il peut faire une toile? Ah ben que non, c'est un cochon. Regarde, Spider cochon est là. Je crois qu'on a trouvé Homer Simpson de Charleroi, là. Je suis de Bruxelles. 26 ans, ABX, oui, Laura, et il t'est arrivé quelque chose. On va devoir trouver pourquoi est-ce que tu nous appelles. Tu es l'auditrice mystère de tout ce soir. Fait. Est-ce que t'as un indice pour tout moi? Tout à fait. Alors, je suis allée chez le coiffeur. Je ressemblais déjà à quelqu'un avant, à une célébrité. Et maintenant, à cause de mon départ, de ma sortie chez le coiffeur, il paraît que tous mes amis aimeraient bien que je devienne le sosie non officiel d'une certaine célébrité. Ah, voilà. Vince Diesel. J'ai rien compris. J'étais chez le coiffeur. Ouais. J'étais chez le coiffeur. Jusqu'ici, tout va bien. Ah, ça c'est cool, ça va. Donc j'ai été chez le coiffeur, donc j'ai fait une coiffure chez le coiffeur, hein. Et chez le coiffeur, en sortant du coiffeur, je ressemblais déjà fort à une célébrité avant, et ben maintenant je ressens encore plus à la célébrité. D'accord. Et c'est trop top, quoi. Et c'est à nous de trouver quelle est cette célébrité, c'est ça? Voilà, t'as tout compris. Bon, dans quelques instants, on va te poser des questions. Laura, si on trouve pourquoi est-ce que tu nous appelles, tu repars avec du cadeau fun et je vous invite chez vous à la maison à balancer tes réponses au 3044. On commence bien, je crois. Laura, tu bouges pas, ma chérie? Non, je bouge pas. On salue aussi Jérôme, le stagiaire là, qui est là, qui check tous vos SMS. Voici Erais Refi pour débuter l'émission sur Fun Radio. This is buns, bun, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. Get the chitty, dun, dun, dun. Bun, bun. This is buns, bun. Sprechen Bus, genau Kater kommt nicht los. Allez, toute la Belgique en entier, ramenez-vous chaque soirée ici en Full Dawa. Open Space, c'est reparti pour une nouvelle semaine. On est là jusqu'à 2h du matin sur Fun. Toute une génération pour foutre le bordel. Mike Open Space. Mike Open Space, le soir sur Fun Radio. Yes, aïe, avec la suite du son dance floor, c'est Avicii qui arrive dans quelques instants. Lay Me Down. Si un son que voulez-vous caler ce soir, vous m'en faites la demande au 3044, il n'y a pas de souci, c'est vous qui êtes les programmateurs de cette émission et on peut vous caler un son, on peut changer tout ça pour vous à la dernière minute. 3044, les amis. Coralie, on est connecté aussi sur le Facebook de l'émission, sur la page officielle Mike Open Space, profitez-en pour aller liker. Si ce n'est pas encore fait, il y a tout le reste aussi. On peut saluer déjà les premières connectées de ce soir, Coco. Oui, alors il y a Alison qui vient de nous rejoindre, il y a Baudouin et il y a Benjamin. D'accord, bah big up. Big up. Tu t'aurais pu citer plus de monde, hein, parce que je sais qu'ils sont mais nombreux. Mais c'est les nombreux premiers qui viennent de nous rejoindre ce soir. À parler chaque soir avec toi sur le Facebook de l'émission, si vous avez envie eh bien, de développer votre plume auprès de Coralie, rencard sur la page Facebook Mike Open Space. Et Coralie, le reste des réseaux sociaux aussi, Twitter, tout ça. Le Twitter, ben, c'est Mike Fun Radio, tu les follow juste après l'émission. Et le Snapchat, pour voir les coulisses de l'émission, c'est Mike Open Space. Effectivement, il va falloir un peu bosser avant de partir à Paris, toi. Oh, ça va, vous êtes tous comme ça, mais vous commencez à me faire chier là. Ah, je crois qu'elle est encore en rincera de non, mais moi je plaisante, hein, ma chérie. Ah, toi, t'es en gueule de bois ou quoi, Coralie? Elle se casse. Mal au ventre. Ah, Ragnagna. Oui. Ah bah je comprends. Je comprends. Non, non, non, malheureusement c'est une douleur que nous les mecs on peut pas comprendre, hein. Mais bah, c'est vrai qu'apparemment ça fait super mal. Mais Coco, ça fait super mal là depuis 10h du matin. Je suis en train de crever de mal et j'en peux plus. D'accord, ok, bon, très bien. Bon bah en tout cas si c'est pour donner ta mauvaise humeur à tout le monde, tu peux partir du studio, hein, c'est pas une excuse. Laura est avec nous. La pauvre. 26 ans à Bruxelles, Laura, remachérie, toujours aussi en forme? Oui, hein, toujours. Alors, moi. Eh bah tant mieux Laura, ça fait plaisir. T'as fait quoi tiens aujourd'hui toi Laura? Ouf, tais-toi. Si jamais je te le dis, tu vas pas passer une bonne soirée, hein, dis. J'ai eu une journée assez compliquée et assez chargée. J'étais chez le coiffeur déjà, c'était top. Ouais, d'accord, ok. Oui, t'as été chez le coiffeur et tu en es ressorti. Tes potes t'ont dit que tu ressemblais à une star, c'est ça? Tout à fait. À vous de trouver à la maison, chez vous à la maison, à quelle star Laura ressemble-t-elle? Vous posez votre question à Laura au 3044. Laura, t'as le droit de répondre par oui ou par non. Et si on trouve, tu pars avec du cadeau, ok? On a 2 minutes. C'est bon, Laura? Oui, hein. Lego, allez-y dans l'équipe, 3044 pour poser vos questions. Jonathan. Tu ressembles à, bah, j'allais dire à une star connue, mais forcément, sinon ce serait pas une star. Oui. C'est un homme oui, ou une femme? On nous demande au 3044. Ouais, sauf que je dois répondre par oui ou par non. Ah oui, donc c'est un homme ou pas? Oui ou non? Non. Ah, donc c'est une femme. Américaine? Attends, on sait pas, c'est peut-être Amanda Lear dans ces cas-là. Non, mais quelle est la bonne réponse? Qui prouvera? Elle fait de la télé? Oui. Je pense, enfin je pense, oui, je crois, enfin elle passe à la télé. Oui, oui et non, elle n'est pas connue pour le fait d'être actrice. Ouais, je vous aide, hein, je vous aide. 3044 voilà. Pour poser vos questions, les amis, on demande est-ce que c'est une chanteuse? Oui. Ah, plus que ça que ah attends, elle fait de la. Nicki Minaj, elle joue dans des films aussi. Nope. Nicki Minaj? Non, non, elle joue pas dans les films. Ah, si, elle joue dans les films. Elle joue dans quel film? Elle a joué dans un film qui va sortir bientôt avec une histoire afro-américaine et tout, c'est pas mal. Notamment chez le coiffeur en plus. D'accord. On nous dit une actrice, non, t'as dit non. Hein. Mike, est-ce que je peux avoir des cadeaux, s'il te plaît? Bah, y'a pas de soucis, faut t'inscrire au 6082, t'envoies le code MIKE. Je vais passer sur Fun, s'il vous plaît. C'est quoi le snap de Coralie? Bah, on dira tout à l'heure. Mireille Mathieu, on nous dit non? Mais non, bah non, si je suis américaine, ça va. Excuse-moi, je lis les messages comme ils arrivent, m'en veux pas. Non, mais tu fais ça bien. Merci beaucoup. Pas plus vite, il nous reste 40 secondes, les gars. On nous dit Selena Gomez. Nope. Ariana Grande. Nope. Karim nous dit Madonna. Nope. Oh, putain, Jennifer Lopez. Nope. Ah putain, mais est-ce que c'est une chanteuse qui est connue pour ses polémiques? On nous demande au 3044. Il y a des polémiques, oui, tout à fait. Miley Cyrus. Nope. Coralie, t'as une idée? Rihanna. 3044, il reste 20 secondes. Vas-y, les amis, on a besoin de vous. Est-ce qu'elle fait des défilés, genre avec des robes et tout bizarres? Oui. Allez, oui. Lady Gaga. Oui, sur le fil. Sur le fil. Lady Gaga est arrivée sur le fil. Et donc, tu ressembles à Lady Gaga, toi? Oui. Mais c'est bizarre, elle change de coiffure toutes les 2 semaines. Ben oui, c'est ce que je me suis dit, mais j'aime bien les coiffures avec des canettes dedans. C'est non mais pourquoi tu m'as dit sosie non officielle? En fait t'as essayé de devenir sosie officielle, ils t'ont vu, ils ont dit non madame ça va pas être possible. Voilà, ils ont fait non madame, ça n'ira pas madame, hein. Y'a que dans ta tête, hein, y'a que dans ta tête, et la tête de tes potes, hein. Et à part la coiffure, y'a quoi chez toi qui fait penser à Lady Gaga? Ah mais tout, hein, tout, les gros nénés, tout ça, tout, tout, ouais. tout, Oui, et je suis mince, tout ça. Ouais, ouais, je suis trop bonne. D'accord, ok. Ouais, et, ouais. Et ça t'est déjà arrivé de te faire arrêter dans la rue des gens qui croient vraiment que t'es Lady Gaga? Oui, oui, ils veulent prendre des selfies avec moi. D'accord. Mais, moi, ce que je me demande, c'est les gens qui t'arrêtent dans la rue, ils te disent quoi? Ils te disent quoi? Putain, je savais pas que Lady Gaga, elle habitait à Marchand-Famène. Voilà, le cul, tout à fait. Non, tout à fait. Ou Luxembourg, voilà. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'on vous a déjà dit dans l'équipe que vous ressembliez à une star, Jonathan? Bah, déjà, si on me dit que je ressemble à quelque chose, c'est déjà pas mal. Parce que, non, beau gosse de l'équipe, ouais, hein, Jonathan. Franchement, ouais, quand j'étais un jour, et c'est pas une blague, à Las Vegas, on m'a confondu avec Justin Bieber. Sans déconner, je vous jure. Mais je vous promets, il ressemble pas du tout à Justin Bieber, le gars. Non, mais parce qu'en fait, voilà, j'étais un peu camouflé et tout. Tu sais, Las Vegas, il fait super beau, il fait super chaud. Donc j'avais mis ma casquette, lunettes de soleil, et je t'entourais de deux potes qui étaient assez baraques et assez grands et pas mal. Ils étaient beaux gosses aussi, eux. Donc voilà, ils m'ont confondu. Je me suis fait arrêter par des américaines derrière dans un escalator. Et elles m'ont dit, oh, you look like Justin N'importe Bieber. N'importe quoi. Et je lui ai dit, tu ressembles plus à Ronald McDonald qu'à Justin Bieber. Non, mais d'accord, mais c'était il y a 2-3 ans là. Justin Bieber, il est plus du tout comme il y a 2-3 ans, tu vois. Et laisse-moi me la péter, putain, c'est bah la ouais, seule. Non, mais bon. Moi, on m'a déjà dit, dans la rue, on m'a déjà arrêté. On m'a fait, oh frère, hey, c'est pas toi le fou là qui bosse à Fun Radio. Hey Vince, tu déchires sa mère. Je te jure, mais c'est. Et c'est rien ça, hein. Coralie, on l'a confondu avec Fab de la Power. Ah non, mais je vais te dire, ça c'est signe qu'il faut faire un petit régime, ma chérie. Même si on adore Fab. Coco, est-ce qu'on t'a déjà confondu avec une autre star, mise à part Fab? Non, jamais, malheureusement. T'es jamais arrivé? Non. Ah si, moi, je sais. À part ça, je vous ai pas dit, mon Zizi, c'est le sosie officiel d'Arlette Chabot. D'Arlette Chabot. Là, il faut le savoir. Alors, sans déconner, y a pas plus moche qu'Arlette Chabot. Bah, c'est mon Zizi. Laura, pardon. Oui, c'est cadeau. Moi, bah, oui. Cadeau. Oui, excusez-moi, je oui. dormais. Laura, notre sosie non officielle de Lady Gaga, eh bien, il y a du cadeau qui arrive à la maison, d'accord? Bravo. Hein. Oh, vous êtes gentil. On t'offre son album. Oui, un album. Oh, et... nice. Et deux steaks Charal également pour te faire ta prochaine robe en soi, éventuellement, comme Lady Gaga. Super, merci. Bisous, j'ai déjà commencé avec le jambon. Merci beaucoup. A bientôt, Laura. Bisous. Merci de nous avoir appelé, ma chérie. Bisous, bisous. 02-851-4x0 pour faire comme Laura, pour venir faire vivre ici la liberté d'expression. Tiens, Sarav Toulkoum à tous les musulmans, puisque c'est le ramadan qui a commencé aujourd'hui. Là. Ah ouais, c'est vrai. Ramadan Mabrouk, comme on dit, les amis. Bon courage. Avec cette chaleur, ça doit vraiment être pénible. Bah ouais, surtout aujourd'hui, quoi. C'est le jour le plus lourd du mois de juin. Il a fait super chaud aujourd'hui, tant dégueulasse. En même temps, tu dis le jour le plus lourd du mois de juin, on est le 6 juin. Donc, t'avances pas trop, il y a encore 20 jours qui attendent. Non, mais là, franchement, et aujourd'hui, il a fait super chaud. Ouais, il fait chaud. C'était la merde dans les transports en commun et tout, les amis. En tout cas, on va se détendre ensemble hein, jusqu'à 2h du matin, avec tous vos messages qui arrivent au 30-44. Avec, dans quelques instants, Anna, qui est avec nous, 27 ans, Louvain la Neuve. Salut Anna. Allô Anna. Salut. Ça va bien, Anna? Ça va super, oui. Bienvenue dans l'émission, ma chérie. T'as fait quoi aujourd'hui, Anna? On a travaillé. Dans quoi? Je fais des titres service. Pardon? Je fais des titres service. D'accord, ok. Et tu es maman? Oui, c'est ça. J'ai une petite fille de 6 mois. Mais il y a un petit problème. Exactement. Quel est-il? Eh ben voilà, j'ai un peu honte d'en parler, mais voilà, j'ai besoin d'en parler. Et voilà, je trouve on que. On te capte mal, on te capte mal, Anna. Tu peux te mettre à une fenêtre? Ne saute pas, ne saute pas. Merci Anna, on te récupère dans une douzaine de minutes Anna, y'a pas de soucis, d'accord? Ne bouge pas. D'accord. Anna qui. Voilà, tu vas te mettre dans un endroit où tu cates, ma chérie, et tu vas tout nous expliquer. Elle est maman, Anna, mais sauf qu'il y a un petit problème avec sa petite fille de 6 mois. Oui. Je peux vous dire c'est quoi? Ouais. Non, je vais laisser Anna le dire, ce sera plus. Anna, c'est quoi le problème avec ta petite fille? Oui, vous m'entendez? Oui, ouais. C'est quoi le problème avec ta petite fille? Eh ben je trouve qu'elle est moche. Ah oh, mais t'inquiète pas, tous les bébés sont moches. On va en parler dans quelques instants. Tu es une mère indigne, Anna. Ah ouais, je non. Mais non, je plaisante, bouge pas, Anna. On va en parler, si vous êtes parent et que vous avez constaté la même chose, vous culpabilisez un petit peu de penser que votre enfant est un peu chum, 02-851-4x0. J'aime bien cette émission, elle commence bien. Elle commence bien. Voici Avicii sur Fun Radio. Merci d'écouter Fun Radio. Bienvenue dans l'émission la plus incontrôlable du pays. On est là jusqu'à 2h du matin avec vous, c'est l'Open Space. Turn up the radio. Il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. Yes, ça fait plaisir d'être là dans quelques instants. Je vous balance la suite du son là. Ça m'a été demandé beaucoup là sur les SMS 3044. C'est Rochol qui arrive. All Night Long. On a été la première radio dans toute la Belgique à vous jouer. Oh l'accent. All Night Long, c'est dans 5 minutes, qu'est-ce que t'as contre mon accent espèce d'enfoiré? All Night Long. Brian is in the kitchen. Et ouais ma gueule, I am bilingue. Y'a Coralie qui est là et qui squatte les réseaux sociaux de l'émission. Le Facebook c'est Mike Open Space. Coralie, j'espère que tu as commencé à bosser dessus parce que voyant tes yeux, j'en doute fortement. Oui, on a un message de Sad qui nous dit comment ça fait du bien d'écouter l'Open Space après une dure journée de Ramadan. Bisous Sad, ça fait plaisir. Voilà. Ouais, bon courage amis musulmans là qui fêtent le Ramadan. C'est vrai que c'est la période du Ramadan, ça dure jusqu'à quand ça? C'est un mois. Hein, oui, c'est ouais, un mois, ouais. Donc c'est du 6 juin au 6 juillet en fait. Mais après je crois que c'est en fonction des lunes, donc ils sont vraiment la fin du Ramadan, je crois que c'est en toute fin, c'est la dernière semaine que tu sais le jour de l'Aïd. Exactement. Et la suite des messages. Ah mais je suis pas encore assez connecté Mike. Quoi? T'as un bug Facebook? Mais oui, il arrête pas de planter en fait. Les messages arrêtent pas de se... Non mais je crois pas que c'est Facebook, c'est le wifi de la radio de tout à l'heure, mais... depuis tout à l'heure il s'est la wifi merde. De merde ici à la radio. Pourtant on est en plein forêt, hein. ça marche bien normalement. Oui mais... bah justement on est en plein de forêt. Bon, merci. Évite le ban, s'il te plaît. Non, mais t'es pas dedans, faut savoir le reconnaître. Tiens, il y aura dans quelques instants le tap à l'info, mec, avec toi d'ailleurs, Jonathan. T'as sélectionné des informations insolites. Tu nous donnes le début, à vous, chez vous à la maison, de trouver la fin pour repartir avec du cadeau. Anna, 27 ans, Louvain est toujours là. Oui. Oui, ma petite Anna, alors toi, vas-y, récapitule-moi, pourquoi est-ce que tu m'appelles, etc. Puisqu'on a été un petit peu coupé juste avant. Oui. Ah, mais là, c'est bon. Ah mais Anna, ça marchait super bien, ne bouge plus Anna, sans déconner. Je me fous dans la merde. Tu te rends pas compte la pression que j'ai depuis que l'autre il part rue Bayard, hein. C'est un truc de fou. Anna, oui. Ne bouge plus s'il te plaît. Ne bouge plus. Non mais ne bouge plus du tout. Ne respire à peine d'ailleurs. Alors vas-y. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Ok d'accord. Mais donc je vous appelais parce que j'ai un mélange. Mais voilà. Ah putain, sans déconner. On Anna, sans déconner. Mais t'as pas de réseau dans toute ta baraque, t'as pas de réseau. Ah je suis sûr. Mais comment t'as fait pour parler avec Jérôme et tout au standard? Et Coralie, sans déconner, il y a une auditrice qui a pas de réseau, tu me la fous direct quoi. Mais je l'entendais très bien. On attaque la bonne par ça, c'est du sabotage. Je crois qu'elle est Viking mobile. Parce non, que non, je pense qu'elle a choisi sa team. Team VINZ, elle a bien raison, c'est Vince qui le paye. Il la paye. Alors, désolée. Alors vas-y Anna, on va y arriver. Oui, bah je me déplace de plus en plus. J'essaie de trouver le... Anna, oui. Open Space, scène numéro 3, action. On va y arriver. Oui, donc voilà, je disais que je trouvais que ma fille n'était pas belle. D'accord, elle a quel âge ta petite fille? Elle a 6 mois. Non mais on est d'accord, il y a vraiment... Enfin, pour moi, il y a vraiment des bébés moches. Mais ils sont tous moches. Non mais, ouais, mais... pas qu'un. Ils sont tous moches. Ouais non mais moi je trouve vraiment particulièrement que la mienne est vraiment vraiment pas belle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te plaît pas? Elle est trop potelée, elle a pas de cheveux, elle est trop voilà, potelée. Trop potelée, pas de cheveux. T'es sûr que t'as pas accouché de ton grand-père? Non mais par hasard, je sais pas. Putain. Non, sinon, est-ce que tu irais pas prendre un petit rendez-vous chez un chirurgien esthétique pour bébé? Je sais bah pas. Ouais, à Los Angeles, ça se fait, hein. Vous lui remontez les paupettes, les pommettes, petite lipo et vous lui mettez un 95D aussi. Très petite poitrine pour un nouveau-né d'ailleurs. 95D, j'ai vu bien, Miouche. Non mais c'est vrai que moi j'ai la même impression que toi en voyant un gosse. En voyant, à chaque fois que je vois un bébé, je me dis putain, mais qu'est-ce qu'il est chum. Je vois les parents et tout autour. Ah, oh, il est trop beau et tout, il te ressemble, machin. Mais non, t'es dégueulasse. Mais ce qu'il y a de bien... c'est gênant, c'est vraiment oui, gênant. C'est gênant, mais il y a encore plus gênant, c'est-à-dire les bébés moches que les gens affichent sur Facebook. Ah oui. Alors là, c'est ah pire oui. que tout. En ah plus, oui, ça, t'as, c'est... Des, t'as des gens qui commandent bravo, félicitations, c'est le plus beau. Non, il est juste dégueulasse. Donc arrêtez, les gars. J'ai un pote à moi. J'ai un pote à moi, Baraki, un petit peu. Ouais. Et il est papa depuis très récemment. Ouais. Et il a posté une échographie du ventre de sa meuf. Ah, ça, c'est pire. Non, mais le statut était magique. Il avait mis OKLM. Oh non! Non mais je te jure, le gars était magique. Hashtag papa responsable depuis, de quand, ouf, hein. Depuis quand t'es pote avec Booba, toi? Non mais attends, l'autre jour, je suis parti à la clinique justement, emmener Coralie parce qu'elle avait un petit souci de santé. Et j'ai vu pour la première fois de ma vie un bébé qui venait juste de sortir de la maman, quoi. Oh non. Le truc était dans la foufoune il y a même pas deux minutes. Non mais je. Oh putain. Et j'ai dit, oh mon dieu. Non mais moi je suis le père de ça, on m'amène ça. J'ai dit non, vous me le nettoyez avant. Vous faites ce que vous voulez, vous me le nettoyez avec une brosse à dents, j'en ai rien à foutre, démerdez-vous. Je veux pas le savoir, mais non, c'était vilain de fou. Coralie, t'as déjà vu un nouveau-né qui venait juste. Ouais, bah on va dire le lendemain, quoi, ou le jour même, quand mon petit frère sont nés, mais c'est vrai que c'est super moche. Enfin, moi je trouve ça vraiment horrible, un bébé. Jusqu'à 6 mois, je trouve vraiment pas ça beau. Mais tu sais quoi, mais je pense d'ailleurs pour qu'il ressorte plus beau, je pense qu'il faudrait les laisser dans la foufoune 1 ou 2 ans de plus. Non mais en plâtrant tout ça, tu sais, il y a un moyen d'empêcher ça de sortir, je pense. Ouais, dans des frigos. Dans des congélateurs. C'est la méthode Véronique Courgeot pour ceux qui connaissent. Et donc Anna, on est d'accord, un bébé c'est moche à la naissance, et toi il est resté 6 mois après. Où elle ah est oui, restée moi il est resté 6 mois après. Enfin j'ai déjà eu. Je vous avoue, j'ai eu une déception en la voyant arriver. Putain, ça n'a pas changé. J'ai vraiment honte de dire ça parce que j'aime ma fille, hein. Je l'aime plus que tout. Mais... Ah oui, mais elle est moche. Mais voilà, j'espère qu'en grandissant, ça ira mieux. Bah ouais, ça ira mieux, il n'y a pas de raison. Est-ce que vous voulez des enfants dans l'équipe, tiens, Coco? Non. Oui. Abdullah. J'en veux un, mais qu'il ait directement 18 ans en fait. Bah oui, on passe toute l'enfance et c'est bon. Moi j'en veux 72. Ah ouais? Pour me faire des Adidas et des Nike gratos. Ouais, c'est ça. Bon, Anna, t'inquiète pas, y a pas de honte, ma chérie. Au moins, voilà, tu l'assumes et tu viens nous en parler, tu nous auras bien fait rire ce soir, Anna. Ah ouais, c'est sûr. Et puis, elle s'appelle comment ta petite fille? Charlotte. Eh bah, pense que Charlotte, elle est peut-être moche maintenant, mais Charlotte, quand elle aura 16 ans, Charlotte, elle fera comme Aurélie de Colin Henry, elle se fera prendre à l'arrière de sa Clio. Quelle salope! Mais moi, je me pose juste une dernière question. Bon, t'as pas de chance, elle est moche, tu le savais pas avant, mais pourquoi avoir choisi le nom le plus dégueulasse en 2016? Parce que, écoute, ne sous-estime pas les Charlotte, ça reviendra un jour à la mode. C'est sûr et certain. Mais quoi, c'est mignon? Ouais, non, Charlotte, c'est... Ouais, c'est vrai, c'est mignon. C'est mignon jusqu'à 2 ans, après c'est l'affiche. Voilà. Gros bisous, Anna. Ouais, merci beaucoup, hein, les gars. Et tu fais un gros bisou pour nous aussi à Charlotte. À okay la petite, ouais. Tiens, on va lui envoyer un petit cadeau, d'accord? On va voir ce qu'on a en stock là. Un masque d'Halloween. Je pourrais. C'est quoi? Ah, y a pas besoin. C'est con, avant j'avais quelqu'un dans l'équipe qui s'occupait des petites filles, mais bon, malheureusement, on va gérer, Anna. Ne bouge pas. Je te fais des gros bisous, bonne soirée, Anna. Super, ouais. Bisous, à bientôt dans l'émission. 02851 4x0, toute la Belgique en entier. Chaque soirée, si ramenez-vous, venez foutre le dawa avec nous dans tout le pays. Darlan a tourné. Dans quelques instants, on fera le tapin au fin, mec. Ça Jonathan a sélectionné des informations insolites. Il vous donne le début, à vous de trouver la fin. Vous serez opposé à un Conan Mentor de l'Open Space. Et si vous le battez, il y a du cadeau Fun Radio qui arrive à la maison. Rochelle sur Fun. that you're doing. So keep on and give me that thing that you want me to feel. I love the way that you're doing the things that you're doing. So keep on and give me that, keep on and give me that, give me that. Got you in my bones. I want you, but no one knows. I want you, but no one. Et toutes les origines, toutes les religions, ramenez-vous au Open Space sur Fun. Total délire, 100% tolérance, Radio Bordel. Mike Open Space. Jusqu'à 2h sur Fun Radio. J'arrive pas moi ce soir sur la tête d'un canard sans pattes. En fait je crois que t'essayes un peu de raccourcir les mots. Mais t'inquiète, il nous reste 2h30 d'émission. Donc tu peux dire origine et religion sont forcément les mélangés. Bah oui, non mais toutes les origines, toutes les religions. Chrétiens, juifs, musulmans, athées, toutes les classes sociales sans distinction aucune, toutes les orientations sexuelles. Ramenez-vous 02 851 4x0. Open Space sur Fun avec G-Eazy qui arrive pour la suite du son. Mais myself and I, demandé par Rimka là sur la SMS au 3044. Pas de soucis Rimka. Tiens, c'est quoi le snap de Coralie? On nous dit Coco, tu veux lui donner ton snap ma chérie? Oui, mon snap c'est Flawin, F-L-A-W-I-2-N-E. D'accord. Ah, c'est juste ça? Tout simplement. Tu mets des snaps cochons des fois? Non, jamais. Ah putain. Mais tu en envoies peut-être en privé. Ça vaut la peine. Tu l'avais pas dans ta story, mais tu l'envoies en privé. Et voilà, vos messages qui arrivent au 3044. On va faire le tap à l'info mec tout de suite avec Florent qui est avec nous, 16 ans à Bruxelles. Bonsoir Florent. Salut Flo. Bonsoir. Comment s'est passé le week-end mon gros? Super, super. Alors vas-y, dis-moi en trois mots ce que t'as fait ce week-end. Trois mots, pas un de plus. Ça fait un. Voilà. Ça fait d'accord. Deux. J'ai... T'as rien foutu. Étudié, joué. T'es en blocus? Et papoté. T'es en blocus, ah bon Florent? Ah ouais, je suis en examen. Déjà aujourd'hui, j'ai eu maths. Oh ouais. C'est bien passé ou pas? Tenace. Ah ouais, franchement, je crois que c'est passé. Oh, maths, franchement. Après, ça dépend. Hein, t'as des gens super forts en maths. Mais moi, j'attendais juste que cet examen-là soit passé. Ah, je pouvais pas. Non, mais une fois que cet examen-là est passé, t'es sans pression. Mais tu sais ce que j'ai fait, moi, mon dernier examen de maths que j'ai passé en date? Je suis rentré dans la salle, j'ai mis mon nom sur la feuille, après je suis reparti, mais j'ai quand même eu un point, donc 4% sur l'examen. Ah ouais, parce que j'avais marre, mon... quoi. T'as ouais, même pas essayé de le faire. Ah non, non, ah bah, ne suivez pas l'exemple de Jonathan, hein, sinon vous terminerez comme les cons à la radio. Donc si vous voulez. Ah ouais, mais moi mon voisin m'a bien aidé. Réussissez vos examens. Qu'est-ce que tu m'as dit, Florent? Mon voisin m'a bien aidé pour mes réponses. Ah ouais. Là, tu connais, on a tous le voisin. Excuse-moi, t'as pas la B du 3? La B du 3, s'il te plaît, non, parce que je suis en galère. C'est vraiment ça. J'ai écrit en une feuille, qui serait passer les réponses aux questions. J'ai écrit plein d'exercices sur une feuille, je l'ai passé genre en mode ninja. Ça va, tu t'es pas fait gauler parce qu'après il faut pas se faire gauler. Ah, non, ah ouais, là c'est zéro. Non. Ah ouais, non, c'est zéro, et puis t'es dans la merde derrière. Zéro. Ah ouais. Putain, zéro, je fais tout le temps choper, on dit évidemment jamais. Ah bah tant mieux, putain. Fais attention quand même, hein, Flore, on peut pas t'encourager à tricher, frérot. Note les réponses sur ton téléphone, voilà, ça sera moins grillé. Alors Florent, non, t'inquiète, les photos aussi elles défilent. Et ça termine quand les examens, Florent? Dans 2 semaines. Ok, et eh ben histoire de déstresser un petit peu, on va se faire le tap à l'info mec. Tu choisis qui pour jouer face à toi au tap à l'info mec? Donc ce soir il y a moi, Coralie. Allez toi pour un peu de pour une fois. Eh hey, 6 juin 2016 les gars, on retient cette date. Hein. Voilà, d'habitude c'est Coralie qui est choisie tous les soirs. Bah très bien, je vais jouer contre toi, Florent. Alors je te rappelle le principe dans quelques instants, Jonathan va nous donner des informations insolites. Il nous donne le début. Tu poses des questions. Ouais, okay. Ouais. J'espère que t'as pas campé derrière le journal. Non. Il y a pas de triche. Je peux te l'affirmer. Il est au courant de rien. Il y a aucune triche, Florence. Ça saurait si on tricherait dans cette émission. Et donc il nous donne le début. Tu poses des questions. Il peut répondre par oui, par non. T'as 30 secondes pour trouver la bonne réponse. Et il faut que tu me battes puisque on fait ça en mode penalty. Ok. Une info chacun. D'accord. On y va pour le tap à l'info. Vous pouvez nous aider, les amis, aussi chez vous à la maison. Au 30-44, on dit bonjour Coralie, est-ce que t'as des nouvelles pour le CD de Dadiké? C'est Tony de BX. Ah bah Tony, si t'as pas reçu ton CD de Dadiké, c'est pas normal. Mais en même temps, j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait pas mal de couilles au niveau des gagnants. Donc sachez-le, si vous avez pas reçu vos cadeaux, vos packs fun, vos montres connectées que vous avez gagné dans le site pas bien, ou les CD dédiqués, on est en train avec Coralie de retravailler tout ça parce que la personne qui gérait ça avant est une merde. Faisait ça à la va-vite. Non, mais elle faisait ça à la va-vite. Oui. Est une merde. Oui. Jette-le dans le lac de Louvre, ensuite change de mec, il tient de son père, j'habite pas loin, on nous dit. C'était pour la maman tout à l'heure qui trouvait sa petite fille un petit peu pas à son goût quoi. Ramadan, c'est ce qu'a dit Ève pour que le bateau avance. J'ai pas compris. Ramadan, c'est ce qu'a dit Ève pour que le bateau avance. Pas mal. Mike, qu'est-ce que je peux passer sur Fun Radio s'il te plaît? Bien sûr mon pote, on va te rappeler avec plaisir. Bon, Mike, big up à vous. Coralie, on s'en fout de ta vie privée. Je t'aime, Taxi Aziz. Celui-ci, il fallait que je le lise. Allez, c'est parti. Concentration, Florent. Tu es contre moi. T'as pas l'info, mec. On y va. T'as pas l'info, mec. C'est toujours triste, hein. Toujours assez gênant. Arrête un peu. Tu me lances et t'es fier de moi, en plus. Bon, allô, Florent. Oui, c'est qui commence? Tu veux commencer ou Mike? Mon Eurodame. Allez, fais ton malin, toi. Ok, très bien, Flo. Pas très, très bien. Allez, Mike, à toi. Quelque chose a été récupéré après 101 ans. De quoi s'agit-il? La virginité de Zaya. Non, on l'a toujours pas retrouvée celle-là. La virginité de mamie machin là. Non, elle est morte. Malheureusement. Je sais pas, le tampon de Coralie. Non. Non, c'est un truc. C'est un document historique? Non. D'accord. Putain, j'ai aucune idée. Allez, pose des questions. Mais c'est un objet, c'est matériel? Oui, c'est un objet, oui. D'accord. Ça a appartenu à quelqu'un de célèbre? Non. D'accord, c'est quelque chose qu'on trouve encore aujourd'hui ou pas? On peut le trouver, hein. C'est un truc qu'on fait quand on est gosse généralement. Mais quand on est gosse, des Lego? Non. Un objet. J'ai pas l'info du tout. Une bouteille à la mer. Oh putain, c'est facile, en plus c'est tout con. Mais oui, c'est tout con, en fait il s'agissait d'une carte postale qu'il y avait à l'intérieur et en 1915, elle a été jetée et on l'a retrouvée cette année, il y a pas longtemps, il y a une semaine, au large de la mer Baltique. C'est un Allemand qui l'a retrouvée et c'est aujourd'hui la bouteille à la mer qu'on a retrouvée, qui est la plus ancienne en tout D'accord, cas. Mais c'est régulièrement qu'il y a des bouteilles ah oui, ça arrive qui souvent, sont jetées sûr. À la mer et qui sont retrouvées. Parfois on les retrouve dans le cul de Jonathan, parfois dans la mer. Souvent d'ailleurs, souvent. Allez Florent, à toi. T'es prêt? Ouais. Ils ont voulu braquer un McDonald's en France, mais n'y sont pas arrivés. Pourquoi? Trop facile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intervenu? Oui. Moi je dis, genre, il y a une vieille dame qui les a interpellés. Non. C'est pas genre, il y avait quelqu'un dans le service qui les a interpellés? Pas dans le service du McDo, non. Il y avait un policier dans la salle. Oui. Vas-y, explicite. Non, mais c'est bon, il l'a. Ouais, allez, t'as l'info, c'est cadeau. En fait, c'est la police, mais c'est vraiment le gros, on va dire, la grosse artillerie de la police en France, c'est le GIGN en fait. Et ils étaient en train de bouffer tranquillement le hamburger au McDonald's quand il y a des braqueurs qui sont arrivés pour braquer le McDonald's. Et donc voilà, ils les ont arrêtés, voilà, avec les armes et tout. Enfin, voilà, GIGN, c'est un peu l'équivalent de la police et des militaires. Ouais, c'est ça, c'est les forces spéciales de la police, etc. Voilà. Qui interviennent sur les prises d'otages, etc. Bon, allez, Mike, si tu veux gagner, il faut absolument que tu gagnes maintenant. Quelqu'un a essayé de prendre l'avion avec un animal, mais a été refusé. Pourquoi? C'était un animal qui n'était pas sur la liste des animaux autorisés? Oui, mais de quelle façon il a essayé de faire passer son animal? C'est plutôt ça la question. Ah, d'accord, il l'a mis dans sa valise? Non. Il l'a mis dans un objet ou pas? Enfin, dans son sac? Non. Je sais pas, il a essayé de le cacher sous sa chemise? Non. C'était un gros animal ou un petit animal? C'est un petit animal. Il l'a mis dans la bouche? J'en sais rien, moi. Non. Je suis loin, je suis chaud ou je suis froid, là? T'es froid. Oh putain, mais c'est une tasserasse, ce jeu, en fait. faut choisir Coralie la prochaine fois. Moi, je suis pas bon du tout dans ce jeu. Il a essayé de faire passer son animal en essayant de la grimer. D'accord, il a essayé de le faire passer pour un enfant, pour un truc comme ça? Non, t'as pas l'info. Pour un autre passager? T'as pas l'info. Non. C'était une tortue, et en fait, il a essayé de faire passer sa tortue comme un hamburger. D'accord. Alors, c'est complètement dingue, hein, parce que voilà, il a essayé de faire passer le corps de la tortue comme si c'était la viande de l'hamburger. Il a rajouté de la salade, des tomates et tout, et il a voulu passer les portiques de sécurité. Bon, après, évidemment, ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a quand même une tête qui sort. Mais voilà, c'était un chinois qui a essayé de faire ça. Alors qu'il suffisait juste de dire au mec à l'accueil, au bagage, je suis venu avec Coralie de Fun Radio, c'est bon, ça passe. Sérieusement. Mais en tout cas, j'ai appris un truc, c'est que les tortues, même les petites tortues, pouvaient pas prendre l'avion. C'est chaud quand même. Enfin, bon. D'accord. Bah, c'est Franklin la tortue qui va être vénère. Ceux qui voulaient aller aux États-Unis, tout ça, il va être vénère. Allez, mec, à toi, c'est la dernière. Bon, t'as gagné, mais on va la faire pour le fun. À Cannes, ouais. Cette année, un film a été en lice, mais avec une particularité. Laquelle? Un film porno? Non. C'est un film avec des trucs explicites dedans? Oula, non. Est-ce que c'est un court-métrage? Non, non, non, c'est un film. Un court-métrage, c'est un film. C'est un film avec un budget réduit, genre x1000. Non, non, non, ça, on va dire. L'indice, je te donne un indice, c'est futur. Futur. Il est dans le salle, genre. Il sort dans très longtemps. Ouais, ouais, vas-y. Dans combien d'années? 2 ans. Non, non, plus. 5 ans. Non, plus. Mais bon, c'est bon. 10 ans. Non, dans 100 ans, mais t'as l'info, mec. Dans 100 ans, c'est un truc, c'est un truc de dingue. Le film a vraiment été cette année pour la Palme d'Or à Cannes, en fait. Le film, il s'appelle bêtement 100 ans. Il sortira dans les salles le 18 novembre 2015. Il a été réalisé par, par le réalisateur de Spy Kids. Sin City. Le 18 novembre 2015, c'est passé. 2115, pardon. 2115. D'accord. Et il a pour but, en fait, de prédire l'avenir. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de teasers qui sont sortis. Il y a juste des teasers, mais on ne voit pas trop le film. Et le film sera scellé jusqu'à sa sortie dans 100 ans. Oh non, mais c'est ce qui me fait flipper, ça, non. Mais non, on le verra jamais alors. On le verra jamais, sauf Michel Drucker. Inch'Allah, il sera encore là. Non, mais du coup, d'accord, mais à Cannes, ils ont projeté le film. Il est déjà tourné le film ou il va se tourner? Il a été projeté pour une certaine catégorie de personnes, donc vraiment super réduit. Après, le film a été. Ah, c'est énorme ça. Voilà, il a Versailles. Le film. Il a été scellé à Versailles dans la maison de Louis XIV. Et c'est pas une blague en plus. Hein. Donc vraiment, okay. dans 100 ans, bah, dans 100 ans, il sera vraiment représenté. Je peux te dire, s'il est dans la maison de Louis XIV, Louis XIV, c'est un show. Enfin, ça ne laissera rien passer. Je connais la personne. Voilà. Vu les moyens qu'on a de notre temps dans 100 ans, les effets spéciaux que nous on aurait utilisés pour ce film seront pourris. Ah bah non, mais c'est clair, ça passera comme un. Mais c'est un concept après. En fait, c'est un concept, c'est pas vraiment les effets spéciaux qui sont mis en valeur, c'est plutôt comment on voit l'avenir dans 100 ans, tu vois. Et c'est ça que le réalisateur a voulu faire paraître. Donc voilà, peut-être que dans 100 ans on volera ou j'en sais rien. S'il vous plaît, je trouve que le débat s'élève un peu trop pour cette radio. On va revenir sur du pipi chat de couille, si vous voulez bien. Ça me va, ça me va. Je suis un petit peu trop perdu. Bon, Florent. Oui. Florent, carton plein, carton et bah carton plein. Plein frérot, ça fait deux bonnes réponses pour toi, c'est gagné hein, mon Florent, bravo, cadeau. Merci, ouais c'est énorme. Bravo. On t'envoie ce qui peut te faire plaisir à la maison. C'est qui faisait le malin au début là, c'est qui faisait le malin. Ah non, j'avoue. Ah ouais, t'es bon mon Florent. Par contre, c'est la preuve que tu révises pas trop, que tu passes ton temps à checker les infos sur internet par contre. Je suis désolé. Non, c'est faux, pas vrai. File révisé mon Florent, t'as quoi comme examen demain? Histoire. Ah, bon courage frérot. Attends, question d'histoire. Non, ça va aller, t'inquiète pas. Question d'histoire. Christophe Colomb a découvert la Colombie. Oui, la Colombie, il a découvert l'Amérique. Ouais, c'est déjà pas mal. Pas mal. T'es pas tombé dans le piège. Bien joué, Florent. Bon, je t'embrasse, mec. Et je te passe Coco au standard, on te gère du cadeau, ok? Ouais, merci beaucoup. A bientôt, tu reviens quand tu veux dans l'émission. A plus. Et toi aussi, dans quelques instants, les clashs des merdes auditives sur Fun après Jay-Z. And as far as I can see, I just need privacy. Plus a whole lot of tricks about this modesty. I just need space to do me, get a world what they're trying to see. A Stella Maxwell right beside of me. A Ferrari, I'm buying 3. A closet of Saint Laurent, get what I want when I want. Cause this hunger is driving me, yeah. I just need to be alone. I just need to be at home. Understand what I'm speaking on. If time is money, I need a loan. But regardless, I'll always keep keeping on. Fake friends, we don't take L's, we just make M's. While y'all follow, we just make trends. I'm right back to work when that break ends. Yeah. Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life. Ooh, I don't need a hand to hold. Even when the night is cold, I got that fire in my soul. Like talking to strangers, so get the f*** off me, I'm anxious. I'm trying to be cool, but I may just go ape, say f*** out of all of y'all faces. It changes though now that I'm famous. Everyone knows how this lifestyle is dangerous, but I love it, the rush is amazing. Celebrate nightly and everyone rages. I found how to cope with my angers. I'm swimming in money, swimming in liquor. My liver is muddy, but it's all good. I'm still sipping this bubbly. This is lovely, this ain't random. I didn't get lucky, made it right here. Cause I'm sick with it, Cuddy. They all take the money for granted, but don't wanna work for it. Tell me now, isn't it funny? Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life. Ooh, I don't need a hand to hold. Even when the night is cold, I got that fire in my soul. I don't need anything. I laid awake. Pray the Lord my soul to take. My heart's become too cold to break. Know I'm great, but I'm broke as hell. Having dreams that I'm folding cake. All my life I've been told to wait, but I'ma get it now, yeah, it's no debate. Yeah. It's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life. Woo. Yeah. Et jusqu'à 2h du matin dans vos oreilles, l'Open Space est là. Toute une génération pour foutre le bordel. Mike Open Space. Mike Open Space, le soir sur Fun Radio. Yes, et ça fait plaisir de vous retrouver après ce long week-end sur ouais. Fun Radio. On est là jusqu'à 2h du matin avec toute l'équipe, avec Coralie qui décroche le numéro coco. Le 02 851 4x0. C'est elle qui parle avec vous aussi sur les réseaux sociaux de l'émission et notamment sur la page Facebook que vous pouvez aller rejoindre dès maintenant. La page Facebook, c'est Mike Open Space. Il y a Jonathan également qui est là. Je suis avec là. Ses blagues pas drôles, mais il est là quand même, on l'aime bien. Ah ouais, mais c'est lundi, on Ta présence nous suffit. Ah, c'est gentil, Mike. Ah, je vais te le dire. Et il y a également Jérôme, le petit nouveau stagiaire dans l'équipe. Ça va bien, Jérôme, le stagiaire. Salut Mike, oui, ça va. Bon, Jérôme qui arrivait en retard tout à l'heure. Oui, mais. Et t'inquiète pas. T'as eu combien de temps de retard? Je t'ai dit 19h, t'es arrivé à 21h30. Alors, comme on s'en bat les couilles et que personne ne bosse, j'ai rien dit. Mais la sanction, tu l'auras à l'antenne. Ou à l'antenne, carrément. Ce sera dans quelques instants. Ouh, ok. Mais tu vas encore avoir la possibilité de t'en sortir, frérot. Ne t'inquiète pas, je t'en dis pas plus. Et ce sera dans quelques instants, là, juste après la pub sur Fun Radio. Il y aura le son de Sac Noël aussi à venir. Trumpets avec Sean Paul. Ah, c'est bon ça. Et juste derrière, je vous ai calé Benny Benassi aussi avec Chris Brown. Ah, c'est bon ça. Ah, c'est bien. Ah, c'est bon ça, Jimmy. C'est ah, bon, c'est bon ça. Non. Ntep. Mais non. C'est bon ça. Un animateur de Fun Radio. Ah, c'est bon ça. Vince. Bibou. Ah, Fab, oui. 13-17. Il fait tout ça. C'est bon ça. On l'embrasse. Alors. Voilà, ça c'était pour le petit point. Vas-y. Et tout de suite, je vous propose de faire le grand match des merdes auditives dans l'Open Space. La première partie en tout cas. D'un côté, Jonathan. Je suis là. Qui a sélectionné les le pire merde. Du pire. Ah ouais. En matière de musique. Ah là, c'est ce soir, on a pas pire, je crois. Et moi, qui ai tapé dans Google le pire du pire en matière de musique. Et que t'es tombé sur moi d'ailleurs. Comme je n'avais aucune inspiration. Jonathan. Oui. Sur quel thème va-t-on s'affronter ce soir? Attention, le thème, ce sont des chansons. Des chanteurs, pardon. Dont la sexualité se réfère au titre de leur chanson. D'accord, donc en fait des chanteurs qui ont par erreur révélé leur penchant sexuel grâce à leur titre. Exactement. Je te laisse commencer. Ah, tu me laisses commencer? Voilà, et c'est vous dans l'équipe et chez vous à la maison qui déterminez qui a le point à chaque fois. On doit sortir des sons ringards hein, et on doit se les balancer dans la gueule l'un l'autre. Allez vas-y, mets le 4, vous allez pas comprendre mais je vais vous expliquer pourquoi. Ouais. Là, je crois qu'il y a personne qui a compris. Non, j'ai pas compris. Bah, c'est parce qu'en fait, le titre, c'est Coup de folie. D'accord. Ah oui, bah, d'accord. La sexualité, c'est Coup de folie, les gars. Ah, pas mal. Ah, ouais, ah, c'est... Ouais. Ah, c'est pour commencer. Hein, c'est... Moi, dans les chanteurs qui se sont trompés et qui ont avoué leur sexualité et leur penchant sexuel dans un titre, je pense évidemment à lui. Donnez. Ouais, c'est pas mal. Je vous le rendra. Ouais, j'avoue. C'est ce que je dis à ma meuf. Alors, Coralie, le point va pour qui? C'est plutôt ta meuf qui te le dit, non? Jérôme. Ah, pour toi. Ok, très bien. 1-0 pour moi. Jonathan, non, je te laisse me répondre. Vas-y, là, 1, allez. Allez. Je sors tout, là. Attention. Oh, oh. Ouais. Cum Mania. Ah, ça en dit beaucoup, hein. Félicien. Ouais, c'est ça. Et Astarac, c'est ça? Oui, c'était ça, oui. Ah, Astarac. Il venait de... Je me rappelle, il venait du sud de la France. Ouais, il venait de... Enfin, je sais pas. La ville est connue dans Interville, mais... Ah ouais, choper la cocoum. Ah, j'aime bien. Bah après ouais, c'est cum cum. Non non, c'est cum cum, donc ça passe pas. Bah si, mais c'est marqué cum cum. Coralie. Sur YouPorn. C'est cum cum ou cum cum? Merci Coralie. Bah, ouais, en tout cas moi quand je tape cum cum sur YouPorn, c'est ça. Hein. Alors, je te réponds avec Allez. Ce titre, un chanteur qui a demandé à sa meuf de faire la sodomie ouais. Et sa meuf lui a répondu. Merde. C'est bon, ça marche. Ça passe. Ça passe. Elle a répondu la Sedai. Ouais, c'est vrai. Le point va pour qui, Coralie, rapidement? Pour Jonathan. Jérôme. Oh, c'est gentil. Là pour toi. Pour moi, ça m'arrange pas cette histoire. Bon, alors ça fait match nul sur ce point-là. Attention. Jonathan, oui. Tu passes lequel? Le 2, là. Le 2, on y va, on accélère. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Le paradis blanc après la cum-cum. Oui, j'avoue que ça définit bien ce... voilà. Ses penchants sexuels. Enfin, je ne connais pas la personne, hein. Je sais qu'il nous écoute souvent. On embrasse Renaud. Oui. C'est Michel Berger quand même. J'aime bien. Et moi j'en ai autre aussi. J'en ai un autre. C'est celui-ci, je vous explique après. Vous avez compris? Non. Bah, personne n'a jamais su ce que ça voulait dire. Ben, eh bien, oui. Moi je vais vous le dire. Qu'est-ce que ça veut dire Hakuna Matata? Je vais révéler un secret, j'ai pas peur de balancer des dossiers ici sur Fun Radio. Ouais. Hakuna Matata, qu'est-ce que c'est si ce n'est un cri d'étonnement en découvrant un très gros sexe? Par exemple, tu es là, voilà, tu kiffes, et là tu dis waouh! Hakuna Matata. Ah, mais t'es une merdique, putain, mais sans déconner. Le point va à qui, Coco? À toi. Mais non! Jérôme, à John. Oh putain, il fait chier lui. Il nous fout dans la merde. Bon, on se fait la suite. On en fait un petit dernier. Allez, vas-y, le dernier. On en fait un petit dernier, tu veux lequel? Bah le 3, allez. Allez, le 3. Également, c'est quand j'ai essayé d'enculer ma meuf, c'est tous les cris, les SOS, enfin, ça l'histoire, ouais, ça l'histoire, SOS d'intérieur en détresse, c'est un peu mon biopic, le biopic de ma vie sexuelle, ouais. En fait. En plus, j'ai choisi Zaz, vraiment pour définir la merde auditive, quoi. Ah oui, c'est vrai, c'est la version de Zaz. Oh la tristesse. Et moi, je vais terminer avec les paroles de la première meuf avec qui j'ai couché. Ouais. Ouais, qui m'a dit... J'ai hâte, dans 5 ans, je vais refaire l'amour, les gars. Le point va pour qui, Coco? Pour toi. Mais arrête, Jérôme. Pour toi, ouais. Et c'est gagné. Oh là là. Et voilà, j'ai gagné ce clash des merdes d'ici. Vous ferez une deuxième manche tout à l'heure, Jérôme. On en fera ça, ouais, tout à l'heure. Mike Open Space. Mike Open Space. Reviens tout de suite. Maintenant. Sur Fun Radio. Le Facebook Mike Open Space, à tout de suite. Restez branchés sur Fun Radio toute la journée. Et repartez avec l'objet le plus stylé du moment. Votre hoverboard d'Urban Wheels. Toute la semaine, écoutez Evan et la tribu dès 6h et l'Happy Hour avec Audrey dès 17h. Et déplacez-vous sans effort et avec classe grâce à votre hoverboard d'Urban Wheels en m'envoyant fun par SMS au 6322. Un nouveau message. Wouhou, c'est trop fun! Les cadeaux tendances les plus ouf, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son dance floor. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son dance floor. Je t'ai donné, je suis condamné à t'aimer et s'en aller, enchaîné à toi. Tu m'as donné, je t'ai donné, je suis condamné à t'aimer et s'en aller, enchaîné à toi.

watch when you bubbly, bubbly. Serious thing, it's on a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckle of the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Girl so hot, she a bubbly, bubbly. And she know where she got, she a carry me remedy. And it look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pony body, me take up a permanent residence. Trumpets blow. Les nouveaux Sac Noël, Sean Paul, Trumpets. On est la première radio dans toute la Belgique à vous jouer. Merci d'écouter Fun Radio jusqu'à 2h du matin, c'est l'Open Space. Les minuit 7. Attention les enfants, Mike et son équipe sur Fun Radio sont des cascadeurs professionnels. Ne reproduisez pas leurs conneries à la maison, sinon... Et en parlant de conneries, tiens, dans quelques instants, on va faire la course à la crème. Oh non, mais la course à la crème, dans quelques instants, deux co-animateurs seront... dans la rue de Fun Radio. Il y en aura un qui sera au bout de la rue et l'autre qui sera à l'autre bout de la rue, forcément. Ouais. Vous allez faire une course. Il y a deux auditeurs qui vont parier, voilà, sur vous et pour gagner du cadeau. Et vous allez faire une course et c'est le premier qui arrive en studio. Ouais. Qui doit foutre une tarte à la crème à celui qui sera dernier, du coup. D'accord, d'accord. Mais quand tu dis il y a deux co-animateurs, en sachant qu'on est deux co-animateurs, j'ai une chance sur combien? Ben non, il y a Coralie, il y a Jérôme. Ah, il y a Jérôme. D'accord. Voilà, ce seront les auditeurs qui choisiront. Ouais. Dans quelques instants. Est-ce qu'on peut me les mettre déjà à l'antenne, s'il te plaît, Coco? Coco qui est déjà connecté aussi sur les réseaux sociaux de l'émission. Sur le Facebook Mike Open Space, vous pouvez aller checker le Facebook, parler avec Coralie ce soir. Sur le Twitter aussi, Coralie. Mike Fun Radio, et tu suis tout le monde après l'émission. Exactement, je fous le bac. Et puis, il y a aussi le Snapchat pour découvrir un petit peu toutes les coulisses de l'émission. Ça se passe sur le Snap Mike Open Space. Ajoutez-nous, les amis, on accepte tout le monde. Il est minuit 8. Minuit 8, pardon, l'heure de vous donner les titres à la une de la actualité demain comme chaque soir. Voici l'heure tout de suite pour vous du JT déjanté. Tu l'as, Coralie, c'est bon? Transformation journaliste bidon. Hello Gonathan. Hello Coralie. Hello à tous. C'est long, c'est difficile et ça met votre foi à l'épreuve. Et oui, on ne vous parle pas d'une saison du Standard de Liège mais du Ramadan qui vient de commencer. Insolite. Oui, ne trouvons pas de prénom pour leur fils. Des parents prennent celui inscrit sur la première bouteille de coca qui passait par là. Le petit zéro se porte bien. Une photo de Maggie de Bloch et un durum bien gras. Pas évident, le jeu des 7 erreurs de Ciné-Télé-Revue cette semaine. En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. Et en juin, si tu trouves le soleil, tape dans tes mains. C'est pas faux. Le monde va mal. Et oui, le jour où un télo est devenu une insulte, on aurait déjà dû commencer à s'inquiéter. Si la connerie était de l'essence, ce serait l'émission la plus utile du monde. Mike Open Space, avec Jus et Jonathan, jusqu'à 2h sur Fun Radio. Quand même, pensez à faire un petit refresh au niveau des jingles. Minuit 8, minuit 9 même sur Fun Radio, on est bien en direct. Course à la crème dans quelques instants, Martin est avec nous. Salut Martin. Martin. Martin ? Oui, bonjour. C'est la voix dans le téléphone qui te parle. Ça va, Martin ? Salut, Martin. Bonjour. Bonjour, Martin. Hello, Martin. Bonjour, Martin. Faut toujours un qui répète 40 fois bonjour. Bonjour, Martin. Bonjour. Salut, Martin. Bonjour, Martin. Ça va bien, Martin ? T'as passé une bonne journée, Martin ? Très bonne, très bonne. Je suis resté à la maison. Tu choisis qui pour jouer et pour te présenter ? Tu paries sur qui ? Sur Jonathan, Coralie ou Jérôme ? Je parie sur Jérôme. Oh, tu paries sur Jérôme. C'est gentil, merci beaucoup. Ça tombe bien, je voulais le punir. Comme il arrive avec 2 heures de retard tout à l'heure à la radio, alors que Zezel est absent en plus. Et on va appeler Zezel dans quelques instants. On l'a pas appelé ce soir, j'ai promis. Ah oui. Donc Jérôme, tu vas filer dans la rue, d'accord? D'accord. Et face à toi, on va voir, c'est Janine qui est là, 56 piges. Jadinan, bonsoir Janine. Hello, hello. Ah oui, alors, bonsoir. Bonsoir Janine, ça va bien Janine? Oui, bon, bonsoir, bon. Ça va bien. Oui, bon, oui. Janine, on va se dépêcher parce que bon, c'est pas ce que l'avenir nous réserve, donc on va essayer de faire cette séquence. Je plaisante Janine. Janine, choisis qui pour jouer avec toi, Jonathan ou Coralie? Moi je vais choisir Coralie. Coralie, non mais t'es sûr, elle court pas vite hein. Vive les femmes, oui. Elle court pas vite hein. C'est pas grave, on la pousse. Non, mais c'est un jeu de rapidité. Ok, très bien, tu choisis Coralie. Bah, Coco, essaie oui. de. J'y peux rien, c'est Janine qui te choisit. Non, vraiment, tu devrais choisir Jonathan, je suis sûr. Mais ça va ou quoi? J'ai mis. Putain. En plus, il a la tenue. Oui, je change alors avec Jonathan. Non, trop tard, c'est Coralie qui a été sélectionnée. C'est donc Coralie qui va partir dans la rue. Coco qui me fait, j'ai pas envie, mec, j'ai pas envie. Mais non, Coco. C'est pas que j'ai mal envie, j'ai mal au ventre. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? Mais Coralie, rien ne t'oblige à courir, roule. C'est vrai que la vie t'a donné des caractéristiques physiques, profites-en quoi ma chérie. Non mais bon, Janine, c'est ton dernier mot, Coralie. Oui, Coralie, oui. Je respecterai toujours la volonté des auditeurs dans cette émission, ma petite Coco d'amour, je suis désolée. Et malgré tout le mal que c'est. Donc t'es prête, Coco? Non. Et peut-être que Jérôme va être fair play. Là, c'est quoi Jérôme? Oui. Comme Coco? Non, attends. Comme Coralie a mal au ventre. Ouais. Elle a mal, oui. elle a des problèmes de fille quoi. Quel va être mon handicap? Oui. Tu vas avoir un handicap. Alors à toi de choisir. Est-ce que tu veux tu veux sauter à cloche-pied jusqu'à la radio, ou alors est-ce que tu veux l'autre handicap que tu ne connais pas et que je vais t'annoncer, qui peut être pire ou pas? Alors je préfère sauter sur un pied, ouais, parce qu'avec toi on ne sait jamais, tu sais, on sait vraiment. L'autre c'était les yeux bandés, donc t'as bien fait de choisir. Dans quelques instants, la course à la crème, Coralie d'un côté, Jérôme de l'autre côté de la rue, vous filez les amis, on vous retrouve en duplex. Oui. Et le premier qui arrivera en studio foutra une tarte à la crème dans la teuté de l'autre et on vous filmera tout ça, on mettra évidemment les vidéos sur le Snapchat. Mike Open Space, Janine Martin, vous bougez pas les amis. Et voici MHD pour le Sound and Floor. Afrotrap, la partie 5 sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde, il est minuit 12. On est en direct dans quelques instants. Il y a Maître Kevin qui va arriver ce soir aussi très vite dans l'émission. Et puis les défoules rooms de Calais pour vous ce soir. S'il y a quelqu'un que vous voulez insulter, vous nous appelez. On connaît les bavours, on connaît les bâtards qui partent par intérêt. On paraît tout penser de thème. Après des marchés, il est tout terrain. Qui veut la bagarre? Envie ta tenue, mon gars, pour ce combat. On chie pas de partie, paye son test. Mon pote qui va gérer mes vêtements. Et MHD, ça tu prends les mecs de la heure. Je pense de mon délai, c'est pas si t'as vu. Mon ami, c'est bon l'enfant, aïe, que bouger ta ville. Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Nantes, Paris, Bali. Faut que les jalousies vont pas vite. À 11h, je vis ça à Bordeaux. Gardez, appétit, on se marche la boule à du Brésil. Imbécile, plus par loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gardez, appétit, gardez, appétit, appétit. Gardez, appétit, gardez, appétit, appétit. Tout ça n'est qu'éphémère, pas les prix si je te plais pas. Mais mépriser mes gars, faut mes plaies. Ça me fait bizarre quand je vois les gens danser sur la moula. Ouais, est-ce que bête, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris du galon depuis la partie 1. Bon, j'ai pas quitté le checks, la rue, la vraie. Après, tu la reconnais pas la porte claire. On se titulaire et c'est moi qui le passe. Ça passe, tu parles, on sait que tu ne passes pas. J'ai plus titulaire quand la ligne est restreinte. Ngadje, appétit, quand je me parle, je la moula du Brésil. Imbécile, je veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Ngadje, appétit, Ngadje, appétit, appétit. Gatti appétit, gatti appétit, appétit. Gatti appétit, on se marche la boule à du Brésil. Imbécile, veux pas loin d'ici, j'oublie les galères et les soucis. Gatti appétit, gatti appétit, appétit. Gatti appétit, gatti appétit, appétit. Bonne nuit sur Fun Radio, voici Martin Garrix. Flashback to the time in your life when you thought it would one shot that you fire at the sky, hoping someone else can see it. Just a sign that you're not out there on your own. We come one tonight. I've been waiting for your wake up call. Growing stronger now. I can hear it in the thunderstorm. We sing, oh, I don't wanna do this without you. Oh, I won't let go now that I found you. Now that I found you. Bonne nuit sur Fun. Une galère, appelez l'Open Space. 02 851 4x0. Mais soyez bon. Et on est là, minuit 18 sur Fun Radio. Il y a Fifth ouais. Harmony qui arrive dans quelques instants pour la suite du son Dance Floor. On va se faire Work From Home. Des full room aussi calés pour vous. Je vous rappelle le concept du full room, hein. Si quelqu'un vous a fait chier aujourd'hui, bah vous pouvez nous appeler et au 02 851 4x0, et vous avez 30 secondes carte blanche pour insulter la personne, l'organisme, quiconque, le gouvernement, que sais-je, qui vous voulez insulter, bah vous pouvez les faire. Excusez-moi, il y a des bouts chelous dans la table de mixage parce qu'il y a Coralie qui est en direct de la rue de Fun Radio. Coco, t'es là? Oui, je suis là. Bon, Coralie, tu es devant les locaux, enfin tu es à l'autre bout de la rue Fun Radio, c'est ça? À droite normalement. À droite? Ouais, exactement. Et Jérôme non, est ouais, je suis à l'opposé. D'accord, et donc Jérôme est à l'opposé à droite. Donc à gauche. Exactement. Je m'embrouille, on va faire un schéma. Alors, les amis. Donc Jérôme, je rappelle, Jérôme, attention, tu as un handicap parce que Coralie a été choisie par Janine. Ouais. Mais Coralie a mal au ventre, elle a des problèmes de filles en ce moment. Donc Jérôme, ton handicap, tu dois faire le trajet de la rue jusqu'à la radio, je vais y arriver. À cloche-pied, d'accord. Mais qui peut prouver qu'il fait vraiment, tu vois? Bah il va le faire. Coralie, elle va checker. Et Coralie va voir, ouais. Il se voit. Vous pouvez vous voir, ouais, les amis, hein. Pour le moment, non, mais dès qu'on va un peu avancer, oui. D'accord, donc Jérôme, tu peux pas voir Coralie. Pourtant, on peut pas la louper, hein. Non, je la vois pas. Crois-moi, c'est mieux comme ça. Alors, vous allez dans quelques instants à mon top. Courir le plus possible, d'accord? Ah, putain, en plus tu prépares la crème. Jusqu'au studio. Et quand vous arriverez au studio, vous trouverez sur la table. Alors attention à pas en foutre partout, les amis, ouais, parce c'est que ça, derrière, ouais. C'est moi qui vais raquer. Vous trouverez sur la table une jolie tarte à la crème, d'accord? Avec de la crème chantilly qui est périmée, évidemment. Et donc d'ailleurs, je suis en train de la faire. Ça s'entend, ouais. Ferme ta gueule, qu'on entende le truc. Ah putain. Ah, mais t'en as vraiment mis. Oh merde, j'en fous partout. Bon, faudra dire au patron que c'est pas moi qui ai éjaculé, hein. Alors, attention. Par contre, ils doivent pas fermer la porte derrière parce que sinon l'autre personne ne le remontrera jamais. Ouais, ouais, ne fermez pas la porte derrière. Attention, le premier qui rentre, évidemment. Okay. Mais à mon avis, ça va se jouer à quelques secondes. Ah, je crois. Martin, donc tu as parié sur Cora, sur Jérôme. Jérôme. Tu ne regrettes pas ton choix, Martin? Non, non, non, pas du tout. Et Janine, donc on a perdu les coups. Qu'on va rappeler dans deux secondes, Janine qui a parié sur toi, Coralie. Êtes-vous prêts, les amis? Ouais. Ouais, oui. On vous filme évidemment tout ça et on vous met ça en live sur le Snapchat de la radio Mike Open Space. Attention, Jonathan va donner le coup d'envoi avant de se faire aussi le si pas bien qui arrive, le jeu le plus dur du monde. Jonathan, attention. Ferme des comptes, tout ça. Les amis, vous êtes prêts à courir le premier arrivé dans le studio à mon top? 3, 2, 1, c'est parti! Allez, décrivez-nous un petit peu le dos. Hein. Je suis dans trop gagné, mec. Oh putain, je la vois d'être. Ah, ils sont voyés. Ils sont voyés. Ouais, je le vois. Et il est vachement blanc en fait. Est-ce que Coralie est moins moche de loin? Alors, on va voir qui va en premier. Et balancer cette crème dans le visage de l'autre. C'est là. C'est Snapchat qui merde. Non, j'ai plus de batterie. Ah d'accord. Donc je vais attendre prendre une petite vidéo. Non, non. Je vais prendre une petite vidéo. Ah, attention, Coralie, t'es arrivé à Coralie, Coralie, Coralie. Attention, donc Jérôme, attention, c'est toi après Coralie. Ah putain, oh, ça craint pour Jérôme. Ah voilà. Coralie, allez, tu vas. Non, non, tu voilà, cache-toi, ouais, merci. Jérôme, tu es où toi gros? Mais Jérôme, mais c'est toi crosspied. Mais Jérôme, t'as 10 minutes de retard, frérot. Mais t'es contre Coralie, t'as 20 minutes de retard, il est toujours pas arrivé. Oh non, non, déconne. Vas-y, raccroche le téléphone et tu peux venir parler, mon Jérôme. Tu peux venir parler dans le micro, Jérôme, qui a plein de... Elle est bonne. Il s'est pris une faciale, Jérôme, on dirait. Ah putain. T'as de la crème partout, mon Jérôme. Bon, ouais, bah, voilà. Je me demande comment ça se fait, c'est arrivé comme ça. Bienvenue dans l'open space, Jérôme. Eh, hey, mais... Hey. Ouais, ouais. Même les escaliers, je les ai fait accroche-pieds, hein, pour te dire. Ah bah voilà, moi t'as pas triché. Qu'est-ce qu'il y a, Martin? Martin, oui. Il s'en bat les couilles. Oui, non, je sais pas. Martin, t'as perdu, t'as parié sur la mauvaise personne, Martin. Ah, désolé, Martin. Mais tant pis. Ah, hein, désolé. Attends, t'entends pas en fait. Attends, mais si t'as pas de casque, tu peux pas t'en apercevoir, c'est normal. Non, je disais simplement que c'est vraiment le plus nul des nuls, parce qu'en plus il y avait moins de distance quand, de son côté à lui, quoi. Ouais. Il a au moins un quart d'heure de retard sur Coralie, qui est déjà. Ah, je suis souffle. Je suis sûr, il a vraiment fait en plus ce con. Moi j'aurais triché, tu vois. Bon, non, moi pas. Et bah bravo, Janine, un cadeau pour toi. Hein. Bravo. Oh, c'est gentil. Qu'est-ce que j'ai gagné? Et bah, cadeau qui pourrait te faire plaisir, je ne sais pas. Moi, l'encyclopédie de l'histoire de l'Australie de 1972 à nos jours. Non, on va te dire un cadeau qui peut te faire plaisir, Janine. Tu négocies ça avec Coco, ok? D'accord. Et est-ce que je peux offrir mon cadeau à quelqu'un? Bah ouais, pourquoi tu veux l'offrir? Tu le veux pas pour toi, Janine? Non, je suis un peu trop âgée pour se voir des cadeaux, donc je veux. Ah, y'a pas d'argent! En même temps, elle a pas tort, parce que le temps que le cadeau arrive, elle sera peut-être. Allez, voilà. Tu sais quoi, Janine? Je suis grand seigneur. Je voudrais juste faire un petit message. Mais je t'en prie, Janine, fais ton message. En fait, je suis la cousine de Dominique. D'accord? Ah, t'es la cousine de Dominique! Ah oui, Dominique de chez Vince! De Vince, ouais. Mettez un casque, s'il vous plaît, là. Y'a personne qui a de casque, s'il vous plaît. Si, mais ça, j'entends. D'accord, t'es la cousine de Dominique. Celui qui s'excite. Oui. La bande. D'accord, mais t'es la vraie cousine? Oui, t'as dit non. Bon. Ah, c'est ouf, d'accord, ok, bah, d'accord. Très bien. Bon, bah, et tu l'embrasses pour nous alors, d'accord? Mais. Oui. Mais... J'ai rien compris au dossier. Je comprends rien, mais c'est pas grave. Je crois que. Voilà, bon, allez, bisous, Janine, je t'envoie du cadeau. Oui, ah ouais, est-ce que je peux demander à Coralie qu'elle me lèche la crème qui reste? Non, mais ça va, il va en profiter lui aussi. Coralie, hein. Non. Fais-lui une échouille. Non. Il vient d'arriver dans l'équipe. Non. Attends, je suis désolé, moi j'ai fait jusqu'au bout. Non. Ah non, même pas la peine de négocier, ce sera non. Tu le lèches. Non. Tu le lèches tout de suite. Moi personnellement, si j'étais à la place de Coralie, je préfère encore faire 3 tours du pâté plutôt que de le lécher. Exactement. Hein. Bon, bah Jonathan, tu le lèches. Ah non, sérieux. Mais je le fais, mais c'est juste parce que tu me le demandes. Allez. Mais je crois, je lui lèche le bout de son nez là, c'est bon, c'est. Non, ça, il a plein de pustules partout, le mec s'en est. Et de la transpiration. Non, j'annule cette séquence. Ah putain, non, c'est j'annule cette séquence. Je pouvais pas, j'étais. Fais-moi bouffer de la maillot, fais-moi bouffer ce que tu veux, je pouvais pas. Bonne nuit sur Fun Radio, merci de nous avoir choisi, les amis, dans quelques instants. Si pas bien pour vous, le jeu le plus dur du monde, on prendra des nouvelles de Zezel aussi qui est pas là ce soir. Sa meuf lui a réservé une surprise. Ouais, quoi, on vous dit tout après. Fifth Harmony. I'ma make it harder. I'm sending pick after picture. I'ma get you fired. I know you're over. what you wanna do to work, work, work, work, work, work, work. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. Let my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work from home, oh, oh. We can work from home, oh, oh. Let's put it into motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're Bienvenue dans l'émission qui parle plus en couilles sur toute la bande FM. On est là dans toute la Belgique, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Bienvenue chez vous, c'est l'Open Space jusqu'à 2h du matin. Turn up the radio. Il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. En famille, chaque soir ici, grand ouais. Rassemblement pour la liberté d'expression. Vous ramenez la famille au 02 851 4x0. Venez nous parler, c'est Coralie qui décroche et Coco qui est connecté aussi sur les réseaux sociaux de l'émission et notamment le Facebook. Oui, et on a un message de Valérie qui nous dit je peux enfin me poser pour un peu vous écouter la journée. Ah, notre infirmière préférée, oui, Valérie. Exactement. Enfin, l'une de nos infirmières préférées, hein, parce qu'on est, on est beaucoup, beaucoup écouté dans tous les secteurs hospitaliers, hein, pour toutes les personnes qui bossent de nuit, les amis. On pense fort à vous, ceux qui font des insomnies, ceux qui sont en blocus en mode révision aussi, les amis. Bah, merci de nous avoir choisis. Oui, voilà, justement qu'elle a énormément de travail cette nuit, donc. Elle n'a pas beaucoup de temps pour nous écouter. Sinon, on a un message d'Antoine qui nous dit « Je n'en peux plus de mes examens. Heureusement que vous êtes là un petit peu pour me détendre pendant la nuit. » Bah, bisous Antoine, bon courage pour les examens. Dans quelques instants, il y a David Guetta qui arrive. Un petit classique de Guetta. Qui va faire l'ouverture de l'Euro, là, David Guetta. C'est ouais. Quand c'est vendredi Jeudi. D'accord. Et le premier match, vendredi. Le premier match, vendredi, à l'ouverture, partir, jeudi. Jeudi, dans l'émission. Grosse session l'autofoot sur l'Euro 2016, là, sur les premiers matchs de poule. Et la Belgique qui joue. Dimanche. Contre l'Italie. Ah, pas mal. Oui, j'ai révisé. Écoute, reste à voir si c'est juste. Ah, ben je crois que c'est juste, ouais. C'est dimanche et c'est à 18h, il me semble, contre l'Italie. Je me suis pas encore consacré au programme de l'Euro. Non, c'est lundi. C'est lundi, mais c'est pas mal. Lundi. Mais c'est 18h contre l'Italie. 21h contre l'Italie. Oh, bah ça, voilà. ça se jouera à Lyon, d'ailleurs. Ah, mais je suis con, oui, c'est le 13 juin, je suis con. Alors. Dans quelques instants, si pas bien, on appelle Zezel quand même pour savoir ce qu'il fout là, parce que Zezel qui est l'homme de l'ombre de cette émission et qui n'est pas là ce soir. J'aimerais donc prendre quelques nouvelles de ce pas. Moi je me demande c'est quoi la surprise de sa meuf. Hein. Ouais, parce que sa meuf est venue me voir en privé sur Facebook, elle m'a dit ouais Mike, ce serait pas mal et tout. Mais elle t'a même pas dit c'est quoi, tu vois. Non, elle m'a dit ce serait bien, j'ai besoin de Zezel et tout, et ce serait bien que tu lui laisses sa soirée quoi. Ouais. Ouais, salut les gars. Ouais, qu'est-ce qu'il fout lui, il est où? Bon. Ah, je vous explique, attendez, bon, je c'est quoi la surprise de ta meuf? Il y a du monde en tout cas derrière. Bon. Mais ne me sors pas l'anecdote, l'histoire que t'es en train de répéter depuis une heure et demie, je veux strictement la vérité. Bon, strictement la vérité. En fait, je suis inscrit sur un site qui s'appelle Bellswing. Ok, c'est un site libertin. Ok, et là, je suis un visu, en fait, de tous les membres, en fait, du site. Donc, en fait, je suis qu'avec des libertins. Mais ta meuf, elle est libertine? Bah, apparemment. Ah ouais? Elle voulait me faire une surprise. Mais c'est un douze de ouf! Putain! Attends, c'est vrai, Zezel, vrai de vrai! Bah ouais, vrai de vrai. Arrête. Mais c'est quoi ça? Mais attends, ta meuf, elle t'a emmené elle-même en soirée libertine. Oui. C'est ouf, putain. Bah, et c'est quoi le numéro de ta meuf, putain? Elle est, enfin, si elle est célibataire, je veux bien prendre le dossier. Bah, moi. Au moins ceci explique cela. Ça veut dire qu'elle a l'habitude, à mon avis, d'avoir des autres mecs que lui. Donc ceci explique vraiment cela, tu vois. Ah putain, enfoiré. Non, mais c'est un visu, quoi, tu vois. Donc t'apprends à connaître les gens qui sont sur ce site et tout le bazar, quoi, tu vois. Mais en quand fait, tu... pas le truc. Mais vous allez coucher ce soir ou pas? Ouais, c'est tu, ça. Tu vas consommer? Non. Enfin, peut-être avec ma meuf, quoi. Mais pas avec d'autres personnes, quoi, tu vois. Mais quand tu dis que c'est un visu, c'est-à-dire t'as directement un visuel sur la chatte ou comment ça se passe? Non, on a atteint un visu sur la tête des gens en fait qui sont inscrits sur le site. D'accord. Ok. Ah, mais bon. C'est chaud, putain. Ah bah, c'est, ça te fait plaisir au moins cette surprise? Ah, franchement, ouais. Parce que je te jure, putain, tu fais des graves rencontres. Hein. Elle pouvait pas faire ça un vendredi. Elle est obligée de nous faire ça un lundi, quoi. Ouais, c'est ça, tout le monde bosse. En fait, la soirée, elle se passe au Peanuts à Waterloo, quoi. Ah, ouais, vois, je connais. Elle est trop bien. Ouais, je connais, c'est un karaoké là-bas. Ouais, mais non, c'est. Oui, ouais, c'est. Ouais, c'est un karaoké, ouais. C'est là, on a voulu aller la fois passée. C'est fermé. C'est vrai, on rappelle. Bon, du coup, on n'ira plus parce qu'on sait ce qui se passe là-bas. Ah ouais, des choses pas très cathodiques. Bon, mon Zézel, amuse-toi bien alors, bah, demain alors. Ah bah, franchement, ça m'a fait super plaisir de vous avoir au téléphone et j'embrasse encore tous les auditeurs. Il en rate pas eu, hein, ce soir. Hein. Zézel qui est DJ officiel du Macumba Club, évidemment. Bon, bonne soirée, mon Zézel. Et reviens vite, j'ai plus personne pour rouler mes oinges. Hein. Non, je plaisante, évidemment. Non, vous inquiétez pas, je reviens en forme. Bisous, Zézel, amuse-toi bien ce soir et embrasse ta meuf, ok? Et le plus possible de meufs aussi, t'inquiète. Ouais, apparemment il va s'amuser, Zézel. Envoie-moi des photos parce que j'ai du mal à te croire, Zézel. Hein. On va pas se mentir. Hein. Non, t'inquiète. Vas-y, je vous montrerai tout ça demain. Non, envoie-moi des photos tout de suite sur le Facebook, comme ça je les mets sur le Snap et tout. J'envoie, ça va. Allez, vas-y, mon pote, salut. Bonne soirée, mon Zézel. Amuse-toi bien, bisous. C'est l'heure du Si pas bien sur Fun Radio, le jeu le plus dur du monde. Un peu de sérieux. Je vous rappelle maintenant les règles de ce jeu. Ouais. Nous n'avons été battus que 6 fois depuis le début de la saison, peut-être une 7ème fois ce soir. Si pas bien, écoutez bien, il ne faut ni dire si, ni pas, ni bien, ni faire deux fois le même son, ni faire plus de 2 secondes de blanc. Si c'est vous ça. Réussissez à tenir ces règles drastiques pendant 30 secondes, vous repartez avec quoi, Jonathan? Avec une montre connectée. Vous vous êtes inscrit au 6032 pardon, en envoyant MIKE plus le code si pas bien. On y va, c'est parti, coup d'envoi. Let's go. C'est le si pas bien, dans Mike Open Space. Le jeu le plus dur du monde. 02 851 4x0. Serez-vous à la hauteur? Et c'est la question à laquelle on va tenter de répondre dès maintenant sur Fun Radio et comme chaque soir ici avec Kevin qui est là. Salut Kev. Salut. Ça va ou quoi Kevin? Ça va. Deux fois ça va. Oh là là, ah, ça a déjà commencé. Mais ça commence à partir du moment où on vous dit bonsoir au standard, évidemment. Non, ça commence dans une demi-heure, t'inquiète. Et inutile de vous rappeler qu'il faut aussi entretenir une conversation logique. Vous pouvez pas sortir des mots comme ça, ouais. Dans aucun sens, sinon c'est trop facile. Maël, pour toi, Jonathan. Salut Maël. Salut. Ah, tiens, c'est une fille. Maël, c'est un prénom mixte, non? Non. Non, mais si, j'avais un pote qui s'appelait Maël. Enfin bon, bref, t'as fait quoi ce week-end? J'ai rien fait de spécial. Spécial, dommage. Elle a hésité quand même, hein, mais elle a sorti. Le son si, évidemment, est entendu dans le mot spécial. Ne bouge pas, Maëlle. Allô. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Oui, oui, c'est à toi que je m'adresse. Bonsoir, tu vas bien? Ça va très bien, et toi? Très bien, très dommage. Bien. Ne bouge pas, Laetitia. Ça va être vite réglé, je crois. Kevin, pour toi, Jonathan. Salut, Kev, ça va? Ouais. Ça fait quoi ce week-end, mec? J'ai fait l'enterrement de garçon de mon beau-frère. J'ai pas compris. J'ai préparé... J'ai, deux fois j'ai. Deux fois j'ai, ouais. Vu la phrase comment elle était longue, j'aurais pas eu du mal à le piéger, genre. Tiens, on a notre ancien producteur qui veut participer également. Vas-y! Allô? Maël! Oui. Bonsoir Maël. Bonsoir. C'est l'ancien producteur de cette émission. Maël, tu fais quoi? Je viens de regarder une vidéo. T'as quel âge Maël? 21 ans aujourd'hui. Oh là, c'est beaucoup trop vieux pour moi. Ah, bon anniversaire. T'as eu quoi comme cadeau? Merci. Mais dommage. T'auras pas de montre connectée. Ne bouge pas Maël, il te reste une dernière chance, ok? Ouais. Ok, t'as fait quoi pour la soirée d'anniv, Maël? Encore rien. Ah d'accord, ok. Bon, ça va se faire ce week-end, c'est ça? Tranquille. Bon, petite Maëlle, ne bouge pas. Laetitia, tiens, sergente de pute, j'ai envie que vous fassiez un truc là. Allez, sergente de pute, il va arriver. Salut Letty, comment tu vas? Super. C'est quoi ton prénom? Lola. Lola, c'est joli. Ça vient d'où? Belgique. Excuse-moi? Bruxelles. Bruxelles, t'es bruxellaire, donc tu parles un peu comme moi, quoi, je veux dire, avec un petit accent. Néerlandais, oui. Ouais, tu sais compter jusque 6. 12 secondes de blanc, hein. Ouais, il faut répondre plus vite. Hey, bouffe un suppositoire, hein, que t'iras peut-être plus vite la prochaine fois. Hein. Ne bouge pas, Laetitia, tu viens de te faire piéger par Serge, vente de pute de service réclamé chien de Fun Radio. Et c'est ça. Tiens, Coco, tu vas en faire ? D'accord. Kevin. Bonsoir, Kevin. Oh, bonsoir. Tu as une très jolie voix. C'est gentil. Oh putain. Deux fois. Voilà, merci beaucoup. Et t'as frôlé les deux secondes de blanc, Kevin. Je pense que c'est pour ça que tu t'es inquiété. Bah, Kevin, c'est perdu. Bonne soirée. Merci. A plus, Kevin. Tu reviens quand tu veux dans l'émission. Et la prochaine fois, tu auras déjà perdu puisque tu as terminé cet appel par merci. Donc, je t'ai dit une prochaine chance. Salut, mon Kev. Dernière chance pour Maël aussi. Pour Serge Van de Pet, vous voulez en faire une? Allez, je fais la dernière. C'est juste parce que c'est toi qui me. Non, c'est l'avant-dernière. Allez. Après, vous m'appelez Paquette. Maël. Oui. Ouais, t'es un peu dur là de la feuille de la détente. Hein, je sais pas comment qu'on dit. Comment tu vas? Très bien. Dommage, t'as perdu tes culs connasses. Ouais, le son bien. Non. Et... Vous pouvez pas dire ça aux éditrices. Je peux pas, mais. Deux mots, elle se plante. Bisous, Maël, c'est perdu. Ouais, mais alors j'ai pas compris les règles, mais c'est pas grave. Ouais, je crois qu'on t'a mal briefé, ouais. Bah, pourtant, on fait le jeu depuis le début de la saison, ma petite Maël. Mais ça fait 9 mois. Ça fait un bar. Ouais, mais j'écoute. Ouais. Ah tu es une nouvelle ou tu n'écoutes pas? Ah non, j'ai une nouvelle. On peut lui pardonner alors. Tu as découvert l'émission quand, Maël? J'ai un ami qui travaille. Ah, d'accord. Ah, ok, bon, bah, très bien. Bon, Maël, j'allais t'offrir un cadeau, mais comme tu es pistonné, walou walou. Bisous, ma chérie, à bientôt, Maël. Ah, c'est ton anniversaire, je t'offre quand même un pack fun, ok, Maël? Merci. Bisous, Maël. De rien. Laetitia, la dernière de la soirée, Laetitia. Yes. Bon, ma petite Laetitia, tu fais quoi dans la vie, toi? Animatrice. Animatrice avec des enfants, avec. Non, avec des chiens. D'accord. Ma question était Ah, excuse-moi, il y a le son yin dans chien. Eh ben. Bah, yin. Ah non, c'est bien. Non. Ah, c'est pas... T'as dit deux fois non, par contre. Non, avec des chiens, non. À trop faire la maligne avec moi, Laetitia, voilà. Mais elle est forte, c'est la meilleure de ce soir quand même. Hein. Je t'embrasse, Laetitia, combien de secondes pour elle? 26 secondes, vraiment la meilleure de ce soir. Gros bisous, Laetitia. Ciao. Ciao, Bella. A bientôt, Laetitia, dans l'émission. Et puis, eh bien, personne n'a réussi à nous battre ce soir aussi pas bien. Le jeu le plus dur du monde qui va revenir demain à 23h. Les montres connectées, on les garde pour vous bien au chaud. Et pour en pécho une demain, bah, il faudra nous battre, nous affronter d'abord en vous inscrivant au 6322. Vous envoyez le code MIKE plus le mot de passe si pas bien. Comme ça, on reçoit ça en studio. On vous rappelle demain et vous serez avec nous dans l'émission pour tenter de nous battre. Afrojack et Eva Simons, c'est ce qu'on écoute tout de suite dans l'émission. Et puis, juste derrière, les défoulerons qui arrivent, on fera tourner la roue des jeux aussi. Tout à l'heure. Bonne nuit tout le monde, Enrique Iglesias derrière aussi. Let's go take a ride in the car. I will take the passenger seat. Baby, we don't have to go far. Unless you wanna show me a lovely place out of town where you feel most at ease. Well, you are the one that I like. Single time. Let's go. génération pour foutre le bordel. Mike Open Space. Mike Open Space, le soir sur Fun Radio. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Sufrimiento que te hace llorar. Bonne nuit. Are you ready? Une galère, appelez l'Open Space. Go. 02 851 4x0. Mais soyez bon. Merci d'écouter Fun Radio, vous tous et vous toutes en direct. Faites-moi exposer le standard chaque soir ici, vent de liberté qui plane où vous soyez en Belgique. Darlon a tourné, Coralie qui répond, le numéro coco. Le 02 851 4x0. Tous les réseaux sociaux de l'émission, vous les chopez aussi sur, bah, sur Mike Open Space, hein, sur, sur Facebook. Il y a le Twitter aussi, c'est Mike Fun Radio. Mon compte Twitter, et puis je vous follow back comme ça on se suit mutuellement, c'est Mike Fun Radio pour me suivre. Oui. Et sur Snapchat, les amis, pour découvrir un petit peu toutes les photos, toutes les vidéos, on vous montre toutes les coulisses de l'émission, on vous annonce des petits trucs qu'il y aura en exclu dans des petites séquences. En exclu dans l'émission tout au long de la journée, bah, ça se passe sur le Snapchat Mike Open Space. Il y a Jonathan qui est là aussi. Je suis là. Tiny Tampa, c'est ce qui arrive pour la suite du son. Et il y a Jérôme aussi qui remplace Zezel ce soir qui est là. Qui vous rappelle au 3044. C'est pris une tarte à la crème dans la gueule. La vidéo, on va vous la mettre dans quelques instants sur, sur le Facebook. Ah, c'est violent. Hein. Mike Open Space, maître Kevin, qu'on va retrouver avec les résultats du autofoot, entre autres. Et dans le standard, il y a Margot qui est là, 19 ans à Bruxelles. Bonsoir Margot. Hello Margot. Bonsoir. Bonsoir Margot, ça va? Ouais, ça va. Bienvenue dans l'Open Space. Margot, t'as fait quoi de ta journée? Je suis partie, je me suis amusée, comme d'habitude, comme tous les jours. Tu t'amuses dans la vie? Tu es célibataire? Ouais. Ah d'accord. Et chômeuse hein, parce qu'elle fout rien donc. Ah bah elle a le droit de s'amuser. Ah bien sûr, bien sûr. En plus elle a, elle a que 19 ans. Ah Margot. Bah ça va. Ma petite Margot, t'es célibataire depuis combien de temps Margot? Bah depuis toujours. Ah, et tu cherches un copain ou pas? Ou tu veux juste t'amuser? Non, pas du tout. Ah, tu veux juste t'amuser, toi? Ouais. D'accord. Exact. Ah, tu m'intéresses, hein. J'aime bien Margot. On s'est réconcilié ce week-end, je te signale. Oh, tu m'excites, putain. Ah, ça va. Quoi? Laissez-nous un peu quand même. Ça va, les jalouses, on se calme. Bah, je suis pas jaloux, mais j'aimerais bien. On s'est réconcilié ce week-end et tu veux déjà te mettre avec quelqu'un d'autre, t'es sérieux? Non, non, mais j'ai. C'est pas parce que je parle que je vais profiter et que je vais tu conclure tout de suite. Ça m'intéresse. Non, mais oh, ça, c'est une tanasse. Bossez jamais avec votre meuf, c'est une tanasse. Oh là là. Non, non, non, non, mais. On peut pas être en couple et bosser dans ensemble, c'est pas possible. Oui, mais, t'as qu'à pas draguer tous les mecs qui passent à l'antenne. Faut rien faire, tu m'oppresses. Bah écoute, non, tu dragues. Non, mais je me sens oppressé, moi. Mais tu dragues personne devant moi, c'est normal, même derrière moi d'ailleurs. T'arrêtes pas de faire ça tous les jours, toi. Bah voilà. Mais non. Mais si. Quand tu dis à toute la Belgique que j'ai un petit zizi, alors que 8 cm c'est du saut petit. Non. Ma mère se tue à me le répéter. Merde. Non, mais maintenant qu'on s'est réconcilié, c'est bon, t'as plus un petit zizi. Margot. Oui. T'as entendu, mon zizi satisfait Coralie. Ouais, éventuellement. Ah bon? Oui, mais uniquement moi, faut pas se leurrer non plus. Bon, tais-toi. Alors, ma petite Margot, tu veux faire un défoulroom, Margot, je te remercie pour le compliment. Margot, défoulroom. Alors, ça concerne quoi? Je t'écoute. Bah écoute, je t'ai appelé parce que, voilà, ça ne se passe vraiment pas comme je le souhaite. Depuis que j'ai commencé, bah, aucun plaisir, quoi. Attends, je comprends rien, mets les mots dans l'ordre. Mets les mots dans l'ordre. Bah écoute, j'ai eu toutes sortes de relations et il n'y en a aucun qui sait me faire plaisir. Ils pensent d'abord à leur propre plaisir et ça ne me convient pas du tout. Ah, tu tombes et sur des vieux coups. Je suis contre. Oui, que sur des vieux coups. Malheureusement, voilà, c'est comme ça. Et je pense que quasiment tout le monde est comme ça. Donc posez-vous la question, les hommes. Ça ne se passe pas bien, posez-vous la question, essayez de faire mieux, pensez à nous. De calme. Pensez pas qu'à vous. Bah voilà. Si. Arrête de nous accabler, merde. Mais merde. Oh, on en prend plein la gueule pour pas un soir. Mais on avait parlé de ce site-là dans l'émission, monpirecoup.fr. Ah ouais, ouais. C'est genre, c'est comme VDM pour ceux qui connaissent, là, vie de merde, là. Et vous pouvez aller sur ce site de façon anonyme pour raconter vos pires looses sexuelles. Voilà, monpirecoup.fr. Et c'est la version BE existe aussi. C'est quoi votre pire coup? Dites-nous chez vous à la maison au 3044 quel a été votre pire coup. 02851 4x0. Ton pire coup à toi, Margot? Mon pire coup à moi, c'était. Je raconte les détails? Ouais, vas-y, tu peux y aller, ouais. Je me suis retrouvée en boîte et ça s'est bien passé. On m'a offert un verre, j'ai dit allez viens, on y va, et hop, dans la voiture. Je me suis dit bon, on va trouver une petite place. C'est quoi comme voiture? Ça s'était mal passé. Une Honda Civic. Une BM quand même. Une BM. Ah, ouais, quand même, oui. Une BM. Hein. Et non, mais ça s'était mal passé. On n'arrive pas à se mettre convenablement. Et après, une fois que ça a commencé, ça a duré tellement vite que j'ai rien senti du tout. Je me suis dit, ah bon, t'as terminé Non, t'es dur. Et dans ces cas-là, tu soulignes la contre-performance du mec, quoi. Bah, c'est pas normal, à lui dire. Ah non, c'est dégueulasse. Oui, c'est clair. Bah attends, le pauvre derrière, il sait pas où se mettre. Bah attends, mais pas je crois dans son cul, mais non, mais il doit avoir au moins, je sais pas, une lucidité. Si non, c'est, mais bah justement, tu sais très bien toi-même que t'as pas été bon, donc pas besoin qu'on te le foute dans la gueule, quoi. Moi. Coralie, c'est ah quoi? Mais je lui ai dit. Ouais, toi, t'es sans cœur, sans pitié. Pense à nos petits cœurs, Margot, que tu maltraites. Coco, ton pire coup dans ta vie? Alors, j'arrive pas à choisir entre deux, en fait. Il y en a un, c'est avec un black. T'es au U il y a quelques semaines, c'est ça? Non, non, rien à voir. Ah non, non. C'était il y a un an ou il y a deux ans, pendant les grandes vacances, un black, un ancien joueur de Marseille d'ailleurs, je le salue. Ah, Djibril Cissé. Non, c'est un joueur, elle nous avait dit, on avait récupéré le nom, le joueur est pas connu du tout, non, c'est un joueur du centre de formation, je crois. Non, bref. Et putain, c'était pourri en fait. Le mec était nul à chier, j'ai jamais vu ça de ma vie, j'ai rien. Aucun plaisir, mais c'est vraiment à dire aucun. Bah, je sais même pas comment dire en fait, tellement c'était pourri parce qu'il y avait. Quoi, il était violent, il était. Mais, non, il faisait pas attention à toi. Bah, déjà, entre autres, et je sais pas, je sentais rien. Pourtant, il avait une grosse tube, hein, mais je sentais rien. D'accord. Ok. Et le deuxième? Le deuxième, je l'ai à peine sucé, il a éjaculé. On a rien. Ah. On connaît la personne. Et quel beau zizi qu'on embrasse. Exactement. Voilà. Très bien. On l'appelle comme ça parce qu'il a un très beau zizi. Oui, tout à fait. Un très rapide aussi. Oui. C'est l'homme qui tirait plus vite que son ombre. Oui, vraiment plus vite que son ombre. D'accord. Donc t'as mis ton zizi dans ta bouche. J'ai mis son zizi dans ma bouche, oui. Et pouf, voilà. Et oui, deux, trois va-et-vient dans ma bouche et c'est fini. D'accord, ok. Oh merde, t'as avalé? Oui, j'étais tellement surprise que voilà. C'est une histoire de 10 secondes. Margot, oh mon. Mais moi, c'était une meuf il y a quelques années. Je l'avais ramenée de boîte de nuit, je me rappelle. Et en fait, j'ai jamais fait l'amour comme ça à une femme, quoi. Ouais. Elle bougeait pas. Genre, non mais quand on dit étoile de mer, J'avais vraiment l'impression de faire l'amour à une morte. À Patrick. Non mais je te jure. Après je suis parti voir la police. J'ai dit écoutez moi je crois que j'ai fait une connerie. Monsieur l'agent, je suis désolé, je crois que j'ai tué quelqu'un quoi. Mais moi tu veux pas savoir mon bah pire si, coup. Je te demande. Bah le coup du lapin. Paf, ça t'arrive comme ça. C'était rapide. Sur l'SMS 3044, on nous dit mon pire coup c'était avec un mec qui faisait jamais les préliminaires. Il m'embrassait, il rentrait direct. Ah mais ça c'est pas dérangeant. Ah il fait casser passeur, c'est la masse que je préfère quoi. C'est Non mais d'accord, ok. Ouais, c'est le mec qui rentre chez toi, mais il s'essuie pas sur les six pieds, quoi. Il essuie pas ses pieds, il rentre direct. Ah, il fonce, il fonce. Moi, mon pire coup, en réfléchissant bien... D'accord, ok, je vais pas lire sur une note. Tiens, Jérôme. Ton pire coup sexuel, Jérôme le stagiaire, là. Le pire coup ? Ouais. J'ai eu que des bons coups, moi. Ah bah, ah, ça, veut dire que c'est lui le mauvais coup en fait. Non, non, mais non, non, c'est pas ça, ça veut dire qu'on est jamais déçu par sa propre main. Ah, ouais. Non, c'était ma toute première copine en fait, Clémence. Donc si elle nous écoute. Il bat son prénom, non, mais j'avais quoi ? J'avais 18 ans et voilà, elle était pas si jolie que ça en fait. T'avais 18 ans ou 10 ou 8 ans ? Non, 18. D'accord. En un mot. C'est important pour l'émission. Bon, on y va, Margot, tu vas faire un défoul room ? Pardon ? Tu vas faire un défoul room donc contre tous ces mauvais coups que tu croises ? D'accord. Ok Margot, 30 secondes, carte blanche pour insulter. Eh bien ces personnes, ces mecs qui n'arrivent pas à te donner de plaisir au lit, Margot, 3, 2, 1, fais-moi rêver. Ah ben, gros con, vous êtes tous des pervers, et une fois que vous êtes là, vous êtes dedans, vous ne vous sentez plus, vous ne connaissez même pas ce que c'est que des préliminaires, comment ça se passe, combien de temps ça doit prendre, rien du tout, zéro, nul. À chier, vous devez ouvrir des bouquins pour comprendre les femmes, n'importe quoi, franchement. Vous êtes nuls, nuls, nuls à crever, des pervers. Le summum, quoi, vraiment. Plus nul que ça, c'est pas possible. Et je pense, je vous mets un peu tous dans les mêmes catégories parce que c'est ça. Et je cherche toujours le meilleur coup, et voilà. Mike, Atfun Radio pour nous. Envoie-moi ton CV, ta lettre de motivation, je veux voir ce que je peux faire. Ainsi que deux photos de toi. Je pense que bien fait. Elle est bien faite. Et puis à mon avis, je suis trop bien faite. À mon avis, je suis tellement bien faite que ça ne dure pas et voilà. Tu me connais mal, Margot. Tu me connais très très mal. Ah ouais, je crois. Ah bon, tu veux essayer, c'est ça ? Je crois qu'il est très très endurant d'ailleurs. Ah, j'en sais rien, je dis ça, je m'aventure à l'inconnu, mais. À skip. Ah, ça dépend de la taille aussi. Hein. Ah là. Non, mais moi, mon pire coup, en y réfléchissant bien, finalement, je crois que c'est tout en fait. Bah globalement il y en a aucune qui a réussi à jouer à moins d'une minute donc c'est que de mauvais coups. Oui genre aucune et ça fait jouir n'importe bon. Quoi. Allez je t'embrasse Margot. Bisous Margot à plus. Bisous. À bientôt ma chérie. Et raccroche pas, quelque chose me dit que je vais te reprendre en antenne. Minuit 54 okay. Sur Fun Radio. On nous dit en plein cunilingus femme fontaine en pleine face. Oh quelle horreur. Ah mais ça c'est kiffant. Quoi parce que, mais si parce qu'il y en a peu des femmes fontaines tu vois donc quand ça arrive t'es content. Non, parce que toutes les femmes sont des femmes fontaines en fait, c'est ça que tu veux. Non, non, non, non, non, je suis tombé déjà sur des filles qui mouillaient quasiment pas. Oui, bien sûr, mais c'est vrai, parce que tu n'es pas forcément sur ce coup-là. Toute femme peut être. Genre Alice fontaine. De Groupama, bah elle a que dalle. Enfin, je te le dis, j'ai eu une relation intime avec elle, quoi. Ronald McDonald, en revanche. Ah, lui, c'est un sacré coup. Qu'est-ce qu'il mouille. On l'appelle la Seine dans le milieu, rapport au fleuve. Bonne soirée sur Fun Radio, merci de nous avoir choisi. Maître Kevin, arrive d'autres défoulements aussi, on fait tourner la roue des jeux et Tiny Tampa. Tranquille, au calme, Libertad. Said I was a man. All I ever needed was a plan. Tell JK that I'm still rolling. Yeah. Tell Russell I'm a rep. Yeah. Bust that gang. Ain't nobody messing with a gang. Might take a fly out for the weekend. Yeah. And go can cause I can. Go low, everybody get low. Had a couple hits and a couple solos. Now I got a couple Brits and a couple mobiles. Drop pass out, everybody loco. I was dropping off the man them with a polo. Now I'm with a man them at the polo. I can make a honey give away a lost rolo. And I stay show, yo, you know how it goes. What the girls like? That's me, me, man of the year, I'm fleeky. Had a couple man won't be me, them man can't be T. Tell them only winners are allowed, no diggity, no diggity doubt. I was getting booked before girls were putting out. Told them I was gonna blow back when I was in the South. Go low, everybody go low. Since she want me, she don't want a Coco. So I made a single back like she with my loco. And I got a Merc, I ain't got a Volvo. Used to have a black, no key, it's a Rocco. Now everywhere I go, people want a photo. I can make a honey, give away a lost solo. And I stay show, yo, you know how I roll. But the girls like... They want that good thing. They wanna get some. I know what boys like. pick me up in the Benz. I like cruising around the West End. No Netflix and chill, that's dead. But it goes like, every day you ride with your friends. But it goes like, I don't need your money for my rent. But it goes like, 8.9, I'm a 10. But it goes like, call to your Wi-Fi again. It goes like, il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. Bonne nuit, merci d'écouter Fun Radio, minuit 57 sur Fun Radio, en famille avec Jonathan, oui, avec Coco également, qui répond au 02 851 4x0. Faites-moi vivre cette liberté d'expression. Chaque soir ici, on vous donne la possibilité de venir l'ouvrir, quoi que vous ayez à nous dire les amis. Vous êtes, vous êtes les bienvenus. Il y a David Guetta qui arrive avec Zara Larsson à H-4 avant l'ouverture de l'Euro 2016. Ouais. Et ça, c'est l'hymne officiel de l'Euro 2016. Allez les Diables Rouges! Allez les Bleus aussi un peu. Mais allez les Diables Rouges. D'ailleurs, toi, qui t'aimerais voir en finale? Parce qu'à chaque fois, on fait de l'autofoot et tout, mais qui t'aimerais voir en finale? France-Belgique. Je sais pas si c'est possible, parce que tu sais, après, il y a des calculs, tu sais, en fonction des groupes, etc. Mais ce serait magnifique. De gagner le groupe A, rencontre le deuxième, le groupe B, etc. Donc je me suis pas encore renseigné si c'est possible, mais ce serait magnifique. Ah, ce serait. Dans la merde pour savoir qui soutenir en finale. Je sais qui soutenir, mais je le dirai pas à l'antenne. Ouais, c'est ça. Mais moi personnellement, pareil, tu vois. Mais je pense que je serais plus vers la Belgique. Parce que vous avez déjà gagné pas mal de trucs, la France, tu vois. Ah, mais dis pas vous, mais la France, ça fait quand? Bah, normalement, la France gagne 1 euro tous les 16 ans. Et un là, championnat fait... d'Europe tous les 16 ans. Et là, ça fait 16 ans. 2000, dernier championnat d'Europe avec but de Trezeguet, on se rappelle. Voilà, mais allez, les Diables Rouges, je pense qu'ils vont faire un très bon championnat d'Europe, les Diables. Donc, en tout cas, voilà. Bon, pourquoi on parle de foot depuis quand c'est l'after foot ici? Guillermo est là. Salut, Guillermo. Salut, Guillermo. Salut, tout le monde. Ça va, mec? Ça va bien, ouais. Ouais, 23 ans. Je suis content d'être là. Hein. Ouais, bah, nous aussi, Guillermo. 23 ans, Bruxelles. T'as fait quoi ta journée, frérot? Pas grand chose, un peu travaillé. Et sinon, j'ai bu une petite pinche et j'ai attendu. Non, calme, d'accord, très bien. Et tu bosses dans quoi, Guillermo? Alors, moi, je fais du transport. D'accord, ok. Tu fais dans l'import-export de shit, en fait, c'est ça? J'ai bien compris. Exactement. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Mauvais, bon, bah, puisque tu me chauffes, tu vas passer au shito test. Ah, ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de shito test. Je vais vérifier ton état de fonce des Guillermo. Je vous rappelle que le shito test, c'est un instrument de mesure très très précis que nous sommes les seuls à avoir ici dans l'open space. Souffle dans ton téléphone et le shito test doit faire le reste, Guillermo. Ok. Oh! Bouh, caca, bravo. Mauvais. Pas bien, Guillermo. Très très mal. Drogué, mécréant. En enfer. En cette période de Ramadan. Bravo, Guillermo. Ça n'a rien à voir. Alors, on va quand même faire souffler quelqu'un d'autre. Jonathan, comme d'habitude, on vérifie. Ah, t'inquiète. Que le shito test fonctionne. Donc, je fais souffler un de mes co-animateurs. C'est toujours un. Quand tu te fais contrôler par les keufs, j'ai toujours envie de lui dire soufflez vous aussi pour voir, tu vois. Ouais, donc, mais nous, non. On fait ça dans l'open space. Donc, souffle, Jonathan, pour voir. Il t'a reconnu. Très précis en tout cas. Il t'a reconnu. Bon, ça va. Bon, si vous voulez, vous aussi, passer au shito test, hein, y a moyen, vous inscrivez au 3044. J'imagine quand même le mec qui est derrière son téléphone, il envoie un SMS. Je veux passer au shito test, je suis pas sûr. Ce serait énorme quand même. Bon, mon petit Guillermo, tu veux faire un défoul room? Dis-moi tout. Ouais, alors moi je viens parce que j'ai un pote. Enfin, c'est même mon meilleur pote, c'est mon Herman. Et ce gars, en fait. Je le connais depuis hyper longtemps. C'est ton best, quoi. Ouais, vas-y. Ton besto, quoi. Ça c'est ton best. Ouais, bah. Oh, t'es mon gars, best. Jonathan, t'es mon best. Toi, t'es mon BFFL. Best of Friends for Life. Ah, oh, ouais, putain. Ouais, et donc, qu'est-ce qui t'a fait ton best? Eh ben, donc, ce gars, il a commencé des petits trucs à me mentir, tu vois. Ouais. Des petites choses, hein, tu sais. Moi, je lui dis, allez, viens, on va boire un verre et tout ça. Il dit, mais non, j'ai du travail et tout ça. Alors qu'en fait, il n'en a pas du tout. Ouais. Il a passé sa soirée à jouer des jeux vidéo. Ah ben, il avait du travail. Hein. Ça a commencé des petits trucs comme ça. Et ça a commencé à grossir et à grossir et à grossir. Et il me mentait tout le temps. Et là, la dernière qui m'a sorti, là, ça m'a cassé, quoi. Ça m'a fini. Il t'a menti sur quoi? Il m'a dit, tu vois, qu'il était le nouveau manager d'un super gros restaurant. Ouais. Alors moi, j'étais super content, quoi. Il allait enfin travailler, il était temps. Et alors, j'ai eu téléphone à un autre pote qui travaille justement à ce restaurant-là. D'accord. Et alors, il m'a dit, ben, je lui ai dit, écoute, hey, tu vas avoir mon gars qui va venir travailler chez toi. Il va être ton manager. Ah ben, pas du tout. Ah d'accord, c'était un gros mytho, en fait. Là, c'est mytho 4, voilà, quand même. Ils n'ont jamais entendu parler de lui. Et toi, tu rentres dedans à chaque fois, quoi. Le gars te ment, il passe sa vie à te mentir, mais tu te fais tout le temps tromper. Mais ouais. Naïf au possible. Ouais, j'ai continué encore et encore. Moi, je suis hyper loyal avec mes potes, jusqu'à une certaine limite, quoi. Là, ah non, mais je peux comprendre. Les mythos, ça va 5 minutes, mais au bout d'un moment, t'encaisses, et puis il y a le mytho de trop. N'est-ce pas, Jonathan? Voilà. Bah, ça va, mais je mens sur des trucs qui. Non. Mais je mens pas tout le non, temps. Non, Jonathan, il peut mentir sur des trucs ridicules. Genre, mais oui, c'est ça. Il peut te dire la vérité sur un truc qui va te vexer ta race. Ouais. Mais sur des trucs ridicules, au lieu, par exemple, la dernière fois, je sais pas, quand. Tiens, je devais t'emmener un truc la dernière fois, là. Je devais t'emmener un casting télé, là. Bah ouais, tu devais m'emmener. Et ce con! Attends, je t'explique un truc. Je me lèvais tout le matin en plus pour l'emmener, hein. 8h du sbar, hein. Quand même, je l'aime ce petit, hein, quand même, pour l'emmener à 8h du matin. Et c'était à l'RTBF, c'est ça? Ouais, c'est. Et je l'emmène. Et il me dit: oui, Mike, écoute, je suis un peu malade, je vais pas y aller. Et je vois quoi sur Snapchat? Des trucs, il était à son casting. En fait, il est parti avec une autre personne. Mais... Et plutôt que de me dire, écoute, Mike, j'ai pas trop envie d'y aller avec toi, machin, il part avec quelqu'un d'autre, il me trouve une excuse de merde. Et voilà, là, par contre, c'est ma faute, j'aurais dû te bloquer sur Snapchat. Voilà. Et Maître Kevin, bonsoir. Tiens, saluer Maître Kevin qui vient d'arriver. Salut, MK. Paris. Ça va bien, Maître Kevin? Alors attends, frérot, attends, t'entends, bouge pas parce que la Belgique ne t'entend pas et la Belgique est très très mal. Donc je vais monter le son. Je sais pas pourquoi il me baisse tout le temps le son, c'est con. Hein. Ah, Maître Kevin, vous êtes là? Oui, je suis là. Ah, la Belgique est contente. C'est bien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, Maître Kevin, de tomber sur un pote ultra mytho comme ça? Oh, ouais, de ouf. Alors vas-y, raconte-moi. Le plus de gros ouf. Mytho alors, qu'un pote t'est sorti. Moi, j'ai un pote à moi qui s'appelle Ludovic, que je salue, qui est de la même origine que moi, c'est-à-dire camerounaise. Et il m'avait dit, en fait, il nous avait dit à notre groupe de potes que ses parents s'étaient rencontrés dans la jungle. Et qu'en fait, sa mère se faisait chasser par un lion. Et c'est pas une balle. Oh, que sa mère se faisait chasser par un lion. Et que son père l'a sauvé. Et du coup, c'est comme ça qu'ils sont tombés amoureux. Oh, putain, il était premier degré, le gars. Mais il était premier degré de ouf, on était en cinquième et je me rappelle très bien, on allait en Angleterre. Ah ouais. Et ça, c'est un truc qui m'est resté à c'est chaud dans ma tête. Non, mais il est fort, hein. il nous disait des trucs de ouf, genre il pouvait marcher sur les murs, des trucs de ouf. Ah putain, c'est chaud les potes comme ça. Mais bon, depuis c'est calmé, hein. Depuis c'est calmé, mais c'est vrai qu'avant. Depuis c'est calmé, c'est pas à la savane, c'est aux eaux directement en fait. Ah, depuis là maintenant, il s'est un petit peu calmé. Ah, il a grandi. D'ailleurs, je le salue, Ludo. Si, mais... On l'embrasse, Coralie. Non, mon ex, je crois. J'ai déjà raconté cette histoire, mais le fait qu'il m'ait dit ouais, j'étais dans le coma, je savais pas te répondre. Je crois que c'est le plus grand mensonge qu'on m'a sorti. Attends, le gars t'a dit je suis dans le coma, je sais pas te répondre. Ouais, en fait, non, j'ai plus de nouvelles pendant des jours, puis il m'envoie un message. Oui, désolé, en fait, j'étais à l'hôpital dans le coma. Je savais pas te répondre. Ah bah oui, tu m'étonnes, oui, c'est un peu logique, c'est moyen. Ça. Non, mais il était pas dans le coma, on va pas se leurrer. C'est bon. Bon, merci. Guillermo, on va faire le défoul room, t'es prêt, frérot? Guillermo? Il s'est suicidé encore. On y va? Ouais. Contre ton meilleur ami qui passe son temps à te mentir. Et du coup, tu l'as mis dans la gueule, ces mensonges ou pas? Notamment l'histoire du pas restaurant. Encore, ça va venir. Ah, tu vas lui mettre donc. Voilà. Très bien, je veux pas le savoir. Guillermo, trop grand, fais-moi rêver. Alors écoute-moi bien, petit pentero de merde. Moi, je connais putain tes mensonges, ok? J'en ai plus que marre de tes conneries. Maintenant, je sais toutes ces conneries que tu me dis depuis le début là. Et alors maintenant, moi, tu sais quoi, je t'ai préparé une petite surprise, tu vas t'en prendre pas la gueule, mon ami. Je vais te trouver, moi, mon grand con. Je respire un petit coup, là, pour prendre de l'air. Vas-y, vas-y. Mon petit enculé de fils de pute. Moi, tu sais, la surprise que je t'ai préparée, tu vas t'en prendre plein la gueule. Mais de tout le monde, en plus. Flippé, quand même. Hein. Et ça arrive bientôt, mon grand. Voilà, mon petit enculé de merde. Ouais, carrément, tu lui en veux à ton meilleur ami, hein. Tu l'en veux. Il a raccroché. Bon, il a raccroché. Très bien. Bon, bah, Guillermo, on l'embrasse. J'aurais même pu parler trop d'adrénaline. Ah ouais, il a tout donné. Ah là, il a tout donné, clairement. Guillermo. Salut, frérot. En tout cas, on l'embrasse, Guillermo. On va le rappeler en antenne. On va lui offrir un pack fun pour ce très joli défoul room. Et du Lego 1000 aussi. Et pour cet instant, poésie dans l'émission. Ouais. 1h06 du matin, vous voulez faire un défaut long, vous aussi, vous nous appelez, Jonathan, le numéro. Le 02 851 4x0. Maître Kevin, avec qui allons-nous jouer ce soir? Fils de pub. Ah, ça fait longtemps. Vous allez devoir reconnaître des extraits de publicité ou des musiques de publicité en jouant avec Maître Kevin pour repartir avec du cadeau. 6032, vous commencez le message par M-I-K-E. Et puis il nous donnera des nouvelles de son couple avec Enora Malagré, Maître Kevin. Oui, là on est au 55e épisode de la saison 3. Et il nous dira si Baba a écouté le message. Qu'on lui a laissé un message vocal, Baba, jeudi. Ouais. Il s'est renseigné? Il s'est passé des choses avec Baba ce week-end. Bon, bref, je le dirai après le. Ah, pourquoi il m'a pas prévenu en privé? Appelle, frérot. Voici David Guetta, l'hymne officiel de l'Euro 2016. Allez, les Diables Rouges. Open Space. Go 02 851 4x0. Mais soyez bon. Et merci d'avoir choisi l'Open Space, 1h10 du matin, bonne nuit, on est ravis de passer une partie de nos nuits avec vous sur Fun Radio. Il y a Riza qui arrive dans 5 minutes, on va se faire le son, je m'en fous. Je m'en fous. Demandé par Marie, par Martin, par Amandine, par Angelo aussi sur l'SMS au 30-44. Un salut Dylan qui est là. Salut Dylan à Liège. Hello Dylan. Salut. Comment va Liège? Ça va, ça va. 99 FM, la fréquence pour nous écouter en vue de Big Up si vous êtes du côté de Liège. Dylan, tu fais quoi dans la vie? T'es en blocus? Non, je suis en secondaire en hôtellerie à Liège. Ok, ça se passe? Ouais, ça va, ça va. Ouais, cool. Dylan, on va jouer ensemble, frérot. On va se faire, on va se faire une roue des jeux, d'accord? D'accord. Il y a Maître Kevin, évidemment, qui est dans la place. Et Jonathan, il y a Coralie. Attention, oui. Dylan, La roue des jeux qui tourne, on va voir sur quoi ça peut s'arrêter. Jonathan, il y a quoi comme jeu dans la roue ce soir? Alors, il y a le Complete 10, il y a le Blind Test pour un précoce, il y a Coucou c'est moi, il y a la, qui est la plus grosse, la plus grande, la plus petite. Il y a plein de trucs. Ah, c'est toi? Ouais, c'est toujours toi de toute façon. On y va, ça tourne, tu dis stop quand tu veux, ok, pour repartir avec du cadeau Fun Radio. Ok. Allez, vas-y, mon Dylan. Stop. Voilà. Alors, nous allons voir la roue qui s'arrête doucement mais sûrement sur. Tranquillou. Ah, que se passe-t-il avec la roue des jeux? Je crois que la roue des jeux a un orgasme. Ah, c'est le blind test pour un précoce. Je comprends mieux cet orgasme. Blind test pour un précoce, Dylan. Dylan, tu peux te mettre dans un endroit, ça capte de mal. Merci à Team Standard, hein. Je sais pas, vous allez pas là ce soir, vous me faites de la merde au possible. Dylan. Ouais. Blind test pour un précoce, tu veux jouer contre qui? Ah, mais ils me font chier là ce soir. Tu joues contre Coralie, tu joues contre Jonathan ou tu joues contre Jérôme ou Maître Kevin? Contre Jérôme. Ah, Maître Kevin, c'était bien. Jérôme, il a du boulot. J'aurais même pas dû le mettre dedans. Faut jamais le mettre dedans. Non, parce qu'en l'absence de Zezel, il charbonne le pauvre. Kevin, Jonathan ou Coralie? Contre Kevin. Ah, un choix qui n'a pas du tout été orienté. À peine. Très bien. Quand cette émission part en couille, de toute façon, je me repose sur Maître Kevin. Alors. Le principe du blind test pour un précoce, je vous rappelle, dans quelques instants, je vais vous passer des extraits très très courts de 2 à 3 secondes, d'où le nom blind test pour un précoce, et vous allez me devoir me retrouver ou le titre ou l'artiste, sachant que tous les deux, vous avez le droit à un joker. Est-ce que c'est compris, Maître Kevin? Est-ce que c'est compris, Dylan? Il est fort, Kevin. Oui. Ouais, donc Kevin est fort, c'est pas faux, donc Kevin doit donner le titre plus l'artiste. D'accord. Ok. Tu commences, Dylan, ou tu laisses Kevin commencer? Je laisse Kevin commencer. Vous pouvez jouer aussi chez vous à la maison au 30-44. Alors attention, Maître Kevin, extrait pour toi numéro 1. Alors, Alia, try again. Bonne réponse. Il a bugué. T'as quelque chose dans la bouche, Maître Kevin? Non, mais je sais pas, c'est l'émotion. Try again, Alia. Un point pour Maître Kevin. Attention, celui-ci, il est pour toi, mon Dylan. Attention, concentre-toi, Dylan. Coupe la radio, Dylan. Rihanna. Ouais. Coupe la radio, Dylan, s'il te plaît. Cut. Ouais, c'est ça. Cut your radio station, por favor. Arrête de parler norvégien, personne ne comprend. I'm trying. Right in the kitchen. C'était Britney Spears. Il the Warden. Facile pour toi. Maître Kevin, sont pour vous. Ah, oh, il va connaître ce con, il connaît, c'est sûr. Oui, alors c'est DJ. Il me les faut tous. Abdel avec Mr. You, Funk You. Il en manque un. Il en manque un, putain. Comment ça, il en manque un? Je valide pas. C'était avec Francisco, évidemment, en plus. Oh, non, Kiki. Non, mais c'est pas ça. C'est Funk You 2. Ouais, mais il y avait Francisco aussi sur le son. Ah oui, aussi, Francisco, oui. T'as vu qu'il chante là? Oui. Genre, il me fallait les trois, genre. Ah, bah il me faut, Maître Kin, vous bossez à Fun Radio, hein. Vous avez un avantage par rapport à Dylan, hein. Donc forcément on veut pas. Bah, alors Coralie, elle bosse à Fun Radio, elle est nasse comme tout. Hein. Bah, et Coralie aussi doit me donner le titre plus l'artiste, Coco. Eh oui, tout à fait, voilà. C'est pour ça que je perds tout le temps. Dylan, attention, la possibilité de revenir à un partout, Dylan, et je t'en mets un facile. Soprano. Ouais, bonne réponse. T'as le titre ou pas? Bon, millionnaire. Ouais. La la la la la la la. Tout m'acheter ce qui n'a pas de prix dans ce monde éphémère. Ah, un partout entre Maître Kevin et Dylan. L'étau se resserre. Prochain extrait, il est pour vous, Kevin. Écoutez bien. Ah, oui. Ah putain, ça c'est chaud. Hein. Mais j'ai même pas entendu en plus le truc. Allez, je te le repasse. On en a parlé tout à l'heure, Maître Kevin, si vous écoutiez le début d'émission. Je sais pas, c'est qui, c'est Cher. elle ressemble. T'as pas écouté, frérot? Bah, elle ressemble. Bah, non, je bossais. Ah, bien sûr. Lady Gaga, Heavy Metal Lover. Eh ouais, les gars. J'aurais jamais trouvé. T'aurais jamais trouvé? Non, c'est de nouveau? Non, c'est pas nouveau du tout. Bah, en sachant qu'elle est morte, voilà. Ça peut pas vraiment être nouveau. Arrête, parle bien de Lady Gaga, je sais qu'elle nous écoute souvent. Alors, Dylan, prochain son pour toi. Et la possibilité de mettre 2-1 Dylan dans les fesses de Maître Kevin. Attention. Un facile. Oh, c'est pas possible. Dylan. Bon. Je ne sais pas. Arrête, Dylan. C'est pas Bugali, c'est l'autre groupe. Put your hands up. Non, même nos imitations n'y feront rien, c'était Fat Man Scoop, Be Faithful. Ah. Oh, oh, oh. Maître Kevin, attention, la pression sur vos épaules. N'oubliez pas que vous avez le droit à un joker chacun. Il vous reste un son chacun. Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu demander le joker pour Lady Gaga. Ouais, oui, frérot. Alors attention. Ah, j'adore. Madeon, you're on. Bien joué, Maître Kevin. Bon. J'aime bien cette musique, elle est dans ma voiture. Ah, le son est lourd, hein. T'es en mode été, hein. T'écoutes ça, t'es dans ta Fiat Punto. Ouais. Frérot, t'écoutes ça. Je peux te dire que la Fiat Punto, t'as l'impression d'être dans une Audi A4. Hein. On est d'accord, Maître Kevin. Ça te change l'ambiance, ce son-là. C'est un truc de fou. Oui, oui, oui, ah ouais. Bien évidemment. Et on vous le joue évidemment sur Fun Radio. Dylan, dernier extrait pour toi. Tu dois absolument le trouver, sinon c'est perdu, Dylan, d'accord? Dylan. Ouais, ouais. Alors, Dylan, vas-y, je t'en mets un simple. Tiens, je mets celui-là. Ah putain, facile. Je peux pas faire plus simple, mon Dieu. Justin Bieber. T'as le titre ou pas? Je te mets deux points si t'as le titre. Non. Essaye. Olivier Mine. Olivier Mine. Ça pourrait. Ah. What do you mean? Olivier Mine. Comment on peut pas avoir le titre? Je veux dire, cette musique, elle nous a saoulé les 6 derniers mois. Alors non, elle nous a pas saoulé, arrête tes conneries. Dylan, c'est gagné. Bravo, mec. Deux parts entre toi et Maître Kevin. Et cadeau qui arrive à la maison, Dylan, d'accord? Parce que le match nul, ouais, tu profites. Je peux faire une petite dédicace? Ouais, je vois que t'attendais ça depuis le début, de toute façon, Dylan. Alors vas-y. Je fais une dédicace à mon pote Johnny Gorix, qui a fait un accident hier. Ah, big up à lui, ouais. Christopher. Ah, et à Jonah, qui a fait un accident hier avec Johnny. D'accord, ok, bah big up tes potes. Alors ça va, ils vont bien quand même, rassure-moi. Ouais, j'ai été à l'hôpital, ouais. Ils ont rien de grave, mais voilà, c'est quand même deux potes. D'accord. Donc. Ok, bon bah tu les embrasses pour nous. Ayant les big ups, si on nous écoute là, on embrasse toutes les personnes qui sont là. Les écoutes, je leur ai dit. Ah bah big up à eux alors, en tout cas, bon courage, bon rétablissement. Bisous mon pote, je te repasse Coco Standard, ok Dylan? Ouais. Bah allez, salut frérot, tu reviens quand tu veux dans l'émission. Ciao ciao, 1h19 du matin, Maître Kevin arrive. On va jouer avec Fils de Poub sur Fun Radio. Vous allez devoir essayer de retrouver des extraits des musiques de publicité pour repartir avec du cadeau fun. Jonathan, on va faire quoi aussi pour la suite? Alors on va encore tourner une fois la roue des jeux et puis on va se faire notre dernière partie de la merde auditive et on fera les résultats du loto foot juste avant. Ah, le clash de la merde auditive. Et puis Arnaud aussi, 25 ans à Molenbeek, voulait nous parler d'un truc. Arnaud, il arrive. Je m'en vais. Hein. Et pourquoi? Bah on vient de te teaser. On m'a dit Molenbeek, je m'en vais. Mon là, d'accord, t'en fais pas. Ils pourront jamais vous retrouver, Maître Kevin. À moins qu'on dise que vous habitez à Vernon, par exemple. Voici Ritza sur Fun Radio, bonne nuit sur Fun. Je m'en fiche de ce que les gens pensent. C'est les regards qu'on me lance. Désormais, je m'en fous. Et j'avance. Tant pis si cela t'offense. Ton avis n'a pas de sens. Aujourd'hui, je m'en fous. Je m'en fous. Laisse-moi, va faire un tour. J'entends plus, je fais le tour. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Je m'en fous. Arrête, tu sais plus rien ne me blesse. Tu perds ton temps, tu me testes. Mais moi je m'en fous. Non, je ne retourne pas ma veste. Que tu partes ou tu restes. Finalement, je m'en fous. Je m'en fous. Laisse-moi, va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous. Laisse-moi, va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Je m'en fous, laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. J'm'en fous, j'm'en fous, j'm'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Laisse-moi faire mes affaires. J'te laisse faire des efforts. Quitte à tout foutre en l'air. Ouais, au fond, je m'en fous, rien à faire. Tu as raison, oui, j'ai tort. Moi, je préfère me taire. Ouais, au fond, je m'en fous. Et 4x0, Mike Open Space sur Fun Radio. Bonne soirée sur Fun Radio. Galantis, No Money, un son qui a été écrit pour tous les salariés de Fun. Passez une bonne nuit. Il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. Et bon courage, on pense à vous hein, aussi. Si vous êtes en galère de taf, là en galère de thunes, bah, c'est galère pour tout le monde, les amis. Rendez-vous, vous pouvez venir nous en parler hein, au 02 851 4x0. On ne saura pas vous aider plus que ça. Enfin, si vous avez besoin de thunes, mais on peut en parler ensemble. Ça fait toujours du bien d'en parler. Moi, j'ai une solution que j'ai trouvée depuis que je suis ici à l'Open Space avec toi, Mike. C'est chaque sourire que t'affiches, c'est 1 euro dans ma poche. Arrête tes conneries. Et tu vas me faire rougir, c'est pas l'endroit, comme dirait Maître Kevin. Et à la fin de la soirée, je suis riche. Ouais, bah écoute, si tu pouvais garder la même mentalité pendant plusieurs années, là, toutes les années où on va collaborer ensemble, Jonathan, ça m'arrangerait, comme ça je ne dépenserais pas une thune pour ta gueule. Ah, je peux tourner, on m'appelle la rose des vents d'ailleurs. Donc oui, on t'appelle la petite tournante aussi dans le milieu. Y'a Usher qui arrive sur Fun, on va se faire Scream. Y a un son que vous voulez vous écouter, la famille, pas de soucis, vous m'en faites la demande au 3044. Il y avait du Kungs qui était demandé tout à l'heure là. C'est qui ah, j'adore Kungs ça. Attends, c'était que je retrouve le message. Il y avait plusieurs messages. Il y avait Françoise, il y avait Raphaël tout à l'heure qui m'a demandé du Kungs, Mélanie aussi. Donc bah voilà, on va s'écouter peut-être ouais. Du Kungs tout à l'heure. Avicii, Conrad Sewell aussi, ça m'était demandé. Test de feeling, j'essaie de vous le caler avant 2h du matin. Maître Kevin est là. Je suis là. Ah oui. Et Arnaud qui est dans la radio. Ah oui, bonjour Arnaud. Hey, salut. Ah, salut oui. Arnaud. Comment ça va Arnaud? Ça va, tranquillou en vacances, donc ça va. Bah, j'ai envie qu'on se fasse une race rap pour un champion là. On s'en fera une demain, la race rap pour un champion. C'était prévu aujourd'hui, mais malheureusement, on a été débordé par le temps, Arnaud. Frérot, t'as 25 ans, t'appelles de Molenbeek. C'est ça, bon, là, je suis pas à Molenbeek, je suis en vacances, mais sinon, oui. T'es en vacances où? Là, je suis dans le sud de la France, là, je suis sur Nîmes. À Nîmes? Ouais. Ah, c'est cool, c'est pas les férias? C'est quand les férias à Nîmes? C'était au mois de mai. Ah, c'était au mois de mai. Ah, bah c'est cool. Donc, c'est l'année prochaine en fait. Loupé, mon vieux. Ouais, ouais. Ah, bah j'étais pas loin. Arnaud, frérot, bon, dis-moi pourquoi tu m'appelles puisque tu nous as appelé au 02-851-4x0, il y a quelque chose qui se tracasse. Ok, alors le souci, c'est que bah, depuis que j'ai avec ma copine, donc depuis 5 mois maintenant, elle veut faire l'amour que dans le noir. D'accord. Bah, ça va. Voilà. Dans le noir. Pas moyen d'allumer la lumière. Dans le noir. Mais ça, c'est parce que t'habites à Molenbeek, vous avez pas l'électricité là-bas. Ça y est, c'est raccordé, ils ont fait le nécessaire. Ah oui, non, mais c'est bon, hein, j'ai même la fibre, donc ça va. Mais, mais c'est bizarre, et elle bloque, si vous êtes pas dans le noir, elle fait pas l'amour, quoi. Vous pouvez faire l'amour que le soir. J'ai essayé d'allumer le feu, et elle est aussi sec. Bah, donc, du coup, moi, je suis. Je m'attends. Bah moi je vois pas où est le problème personnellement. Le problème ce serait qu'elle ne veuille pas faire l'amour tout court en fait. Ouais non, bah, au moins elle veut. C'est ça. Ouais mais dans le noir. Le truc c'est que bah, je me là ça me frustre à mort. Et du coup je me demande si c'est même pas moi qui suis pas à froid quoi. Ah ouais en fait, carrément ouais, j'imagine ça doit être ultra frustrant. Ouais t'as envie de voir ta meuf ouais. De la regarder tout ça et elle veut voilà, pas c'est ça. Dites-nous au 3044 ce qui vous bloque pendant que vous faites l'amour tout ça, s'il y a un truc qui vous bloque. Ah, est-ce que ça. La lumière ça vous bloque? Dites-nous 02-851-4x0. Après tu peux lui dire que c'est pour te concentrer sur sa beauté, ça a passé, fais un peu le canard Arnaud. Bah, je me demande justement comment je pourrais faire quoi. Mais, bah tu lui dis c'est pour te voir, je ne veux voir que toi pendant que je te fais l'amour ma chérie, tu lui dis voilà. Bah j'ai même ça, même le petit repas et ouais non mais c'est mort quoi. Elle était gênée. Hein. Est-ce que vous bloquez lumière ouverte, Jonathan? Non, pas lumière, mais par contre, moi, ce qui me bloque avec une meuf, et ça m'est déjà arrivé, et d'ailleurs, je pourrais le dire, c'est l'un des pires coups de ma vie aussi, c'est une meuf, tu vois, qui est à fond, mais vraiment trop à fond, genre la meuf qui me dit « traite-moi comme une pute, tape dans le fond, je suis pas ta mère enfin, », j'ai assez bon, respecte-toi un peu. Ah, c'est de là que te vient cette expression « tape dans le fond, je suis pas ta mère ». Ah ouais. D'accord. Mais moi, la lumière, ça me dérange pas. Coralie, ça te dérange, toi? Ah ouais, totalement. Ah ouais? Ah ouais, j'ai jamais fait l'amour avec de la lumière. Tu peux pas? Tu non. Bloques? Ouais, je mais bloque totalement. Bah, je sais pas, je me sens pas à l'aise. Et franchement, je crois que la seule fois où il y avait vraiment encore un tout petit peu de lumière, j'étais sur une aire d'autoroute, les gars. Ah oui, d'accord. Ah putain, mais t'es vraiment. que dire? moi, j'aime beaucoup j'aime pas la lumière, mais j'aime bien les bougies, tu vois. Oui, mais ça, c'est bien. Bon, dans les fesses aussi, j'aime bien, mais. bon, maître Kevin. Même ça passe pas. Même ça, les ça bougies passe non plus, pas. Elles veulent pas. Ça passe pas. Ah, rien merde. Et la lumière de la télé non plus? Non. Faut vraiment que ce soit un noir complet. Ah ouais, mais elle baisse le volet et tout. Bon, bah, maître Kevin, vous, si vous faites l'amour dans le noir, on vous voit. Enfin, c'est le principe du noir. alors, allez-y. Déjà, ouais, j'ai voulu faire une blague raciste. Ça va, frérot. tu me connais, ça fait combien de temps? 6 ans qu'on se connaît, maître Kevin, il peut y aller. Non, mais j'ai vu, t'as patiné, c'est pas grave. Ah, et van sans parachute. Alors. non, mais moi, franchement, y a rien qui me gêne. Ah, si, le seul truc. C'est exactement, c'est comme Joe, c'est quand la meuf elle rajoute de ouf. Ouais, grave. Ah, ça, ah ouais c'est, vous avez pas les chaudasses un petit peu. Il y a trop. Comme dans les films porno en fait, quoi. Non, mais tu sens quand c'est faux en fait. C'est ça se sent direct. Ah, mais t'aimes pas. Mais quoi, les meufs qui rajoutent de ouf en simulant ou en grossièreté? Ouais, genre en beuglant de ouf et tout ça, ça m'énerve. Ah ouais. Ça m'énerve. Moi j'aime quand ça monte crescendo, tu vois. Pas du tout. Non, ça, calme-toi, prends un malox, respire. Tu vois, non, les trucs comme ça me rend ouf. Moi, le seul truc qui peut me faire bloquer à la limite, c'est si un animal me regarde, tu vois. Un animal? Ouais, non, mais ah, genre, oui, si t'es là, t'as le chien qui rentre. Non, mais voilà, quitte à ce que le chien soit dans la pièce, autant qu'il participe. Ah, voilà, fasse un truc à trois, je sais pas. Ah, je suis d'accord. Non, mais sans déconner, Coco, il y a un truc à part la lumière qui te bloque? Je crois qu'un animal, ça m'est encore jamais arrivé, mais je crois que si jamais il y avait un animal. Toi aussi, un animal, ouais. Ah ouais. Arnaud? Moi, je pourrais pas. Qu'est-ce qui te bloque, toi? Moi, à part ça? Ouais, si, peut-être ouais, les meufs qui gueulent de ouf, ouais, mais à peu près pareil, ouais, mais c'est tout, quoi. Ouais, sinon, il y a un autre ou les meufs qui simulent, ou clairement les meufs qui simulent, quoi, tout simplement. Ouais, mais elles simulent tout, très casse. Mais il y a un autre truc qui me bloque, c'est quand il y a des gens. C'est quand genre Non, moi ça me met super mal à l'aise et C'est excitant 2000 ça. Bah oui. Non, moi je trouve pas ça excitant, je suis vraiment flippée. T'as peur de te faire gauler? Ouais, à fond. Alors, j'ai peur que quelqu'un rentre en mode ça dépend c'est qui. Si c'est tes grands-parents à côté, c'est sûr tu vas faire gaffe quoi. Non, mais jamais pas. Genre, par exemple, j'ai déjà fait l'amour ici dans la radio. Il y avait toujours plein de gens, tu vois. Bon, on était dans la cave tout au fond, donc je me dis il y a aucun risque maintenant. Dans ce cas-là, ouais, c'est excitant parce que là c'est vraiment en mode tu sais pas, tu vois, c'est quasi improbable que quelqu'un rentre. Maintenant, si jamais t'es dans ta maison, que je sais pas, il y a tes parents qui sont en bas ou tes frères, tes sœurs, tes cousines, je sais pas. Et là par contre, je peux pas, ça me bloque. Ah ouais. Ouais, la famille dans la maison, c'est compliqué. Ouais. Si vous entendez un mec depuis tout à l'heure qui fait oui, pardon, c'est Maître Kevin qui essaye de s'imposer en fait. Donc allez-y Maître Kevin, je vous laisse la parole. Non, moi je disais en fait qu'il y a un autre truc aussi qui me bloque psychologiquement, c'est qu'il faut qu'il y ait de la musique, mais du gros son, tu vois, ah ouais, pas de l'over. Ah ouais, du gros rap mon frère. Ma parole. Mais non. Du Young Thug, un truc bien sale. En plus je suis le rythme. Mais t'écoutes du rap français et tout? Non, rap américain, c'est mieux, c'est plus gangsta. Mais n'importe quoi. Il fait des grosses claques sur le cul, mon vieux. Kevin, il baisse, il fait Scarface. Attends, excuse-moi, il a dit du gros rap, pas du rap de merde. Non, arrête, Duba, c'est bien, c'est sympa. Non, moi, sinon, j'ai un truc qui peut me bloquer aussi. Je viens d'y penser comme ça, mais c'est, tu sais, comme j'aime les meufs un peu rondes, bah voilà, tu vois, je suis sorti avec Coralie. Bah bon, c'est gratuit, pas cher, ça aussi. Hein. C'est gratos. Mais si j'ai pas de GPS sur moi, tu vois, je peux galérer pour trouver l'entrée de la foufoune. Ouais, ouais, je comprends. Non, mais une fois, ça m'est arrivé, j'ai loupé la sortie, j'ai dû faire demi-tour à contre-sens, je te raconte pas la connerie. Bon. Non, mais après, pour ta meuf, Arnaud, qu'elle ne veuille pas faire la. Et t'as essayé de la surprendre un petit peu, Arnaud? En pleine journée, je sais pas. Ouais, on va même ça, c'est limite, ok, je vais la chauffer en pleine journée et tout, et il va y avoir la lumière, mais elle va baisser, elle va appuyer sur le bouton du volet roulant, elle va fermer la porte, quoi. Mais elle s'assume pas, à mon avis, elle doit avoir des complexes. Ah non, arrête, les fracanons, tout ce que tu veux, y a rien à complexer, quoi. Mais je pense, Coralie, tu vas pas me démentir, mais les filles, vous avez beau être parfaites tout autant que vous êtes. Autant que vous êtes, pardon, d'ailleurs, connerie, j'ai des fautes d'orthographe. Vous complexerez toujours sur un truc, un détail de votre corps, un bourrelet en trop, je sais pas. Ouais, ouais, je pense, bah, bon, non, en vieillissant, ça va s'arranger, mais c'est clairement, jusqu'à 30 ans, je pense que tu complexes et qu'on va tout complexer comme ça, pendant encore des années. Donc, Arnaud, continue de la baiser dans le noir et puis pense à une autre, ok. J'ai une question pour Arnaud. Ouais. Ouais. Il a jamais essayé de faire ça, t'as jamais essayé de faire ça, genre dehors? Parce que dehors, il n'y a pas de rideau. Dehors, ça marche pas. Dehors, elle veut pas. On a essayé dans la bagnole. Pas moyen. Ah ouais, elle veut pas. Ah ouais. Mais même quand elle te fait une gâterie ou genre, il faut que ce soit dans la. Ah non, il faut que ça soit noir complet. Ouais. D'accord. C'est chaud. Okay. Mais elle sait à quoi tu ressembles, ta copine aussi, au bout d'un moment, ou elle t'a déjà vu physiquement? Non, mais parce que c'est chelou quand même, j'ai jamais vu ça. On nous dit à chaque fois qu'on fait l'amour. On vient entendre les trous, hein. C'est pas le souci, mais. C'est au moment de baiser, c'est dans le noir, quoi. D'accord. Au 30-44, on nous dit à chaque fois qu'on fait l'amour, c'est deux cœurs qui se retrouvent perpétuellement pour se redécouvrir. Ah, c'est beau. Mounir de Bruxelles. Wow. Mounir qui veut baiser, apparemment. De manière très urgente, je pense, vu le SMS. Moi, la seule chose qui pourrait me bloquer, c'est ma braguette mort de rire. On nous dit elle est complexée de son corps. Abou Taximan qui nous dit ça. Bah, big up à toi, Abou. Big up à tous les Taximan qui nous écoutent. Je suis dispo dès maintenant, sans réseau passé. On nous dit, bah, très bien, on va te rappeler. Coucou les gars, c'est Déby, votre fidèle auditrice, toujours là. Mais je suis déçu, vous m'avez appelé pour un jeu il y a 3 semaines, j'ai jamais eu mon cadeau. Bis Déby. Alors, non, Déby, mais 3 semaines c'est court. Hein. 3 semaines déjà c'est court, il y a eu des problèmes de cadeau Déby, donc on va vérifier que tu as bien. Est-ce qu'on peut rappeler, il a raccroché, oui. Ce con. Enfin, voilà, il a raccroché. Est-ce qu'on peut. Déby, on a eu des problèmes de cadeau. Excuse-moi Arnaud, on a eu des problèmes de cadeaux Déby, et sachez-le chez vous à la maison, si vous n'avez pas reçu vos cadeaux encore, vos montres connectées ou vos packs fun, on est avec Coralie en train de refaire toute l'historique des personnes, oui, qui ont gagné, puisque la personne qui s'occupait de ça avant... L'a offert à des gosses. Voilà, voilà, dans le but de profiter, enfin bon, c'est dégueulasse. J'ai une histoire à vous raconter concernant une femme fontaine. Vous pouvez rappeler si vous voulez, ben, on va essayer de rappeler. Bon, Arnaud. Ouais, ouais, ouais. Bon, tour de table, dernier conseil dans l'équipe. Jonathan. Dernier conseil, attends l'hiver, il fait plus vite noir. Voilà, je sais pas comment. Coco. Non, mais essaye peut-être, vas-y progressivement, la brusque pas, essaye de préparer peut-être un petit truc un peu romantique où tu mets des bougies dans la chambre où elle s'y attend pas. Petit dîner, vous montez. Ça va lui plaire. Et après, voilà, ouais, ça va lui plaire, elle va être dans le feu de l'action. Bah, ça a déjà essayé, raté. Fais-le plus subtilement. Ouais, mais fais-lui en mode cadeau, quoi, tu vois, genre tu t'es mis sur ton 31, t'as tout fait tout pour elle, Et voilà, mais parle pas tout de suite faire l'amour. Peut-être déjà organise un dîner aux chandelles, tu vois, dans la chambre. Bourre-lui la gueule, ça marche bien. Elle s'en souviendra pas. Ouais, bonne technique. Ouais. Oh là là. Ou GHB également. GHB, trois lettres. Ouais, non bourré, c'est contre-performance là. Oui, mais elle peut être bourrée, toi tu peux être au fond. Ah oui, non, tu fais semblant de boire, toi. Elle bourrée contre-performance. Ah bon, bah. Mais t'es dans la merde. Ok, merci Arnaud en tout cas de nous avoir. Maître Kevin, peut-être un dernier conseil? Non, voilà, je voulais juste lui dire, il faut qu'il apprenne dans la cuisine, il lui demande pas ni pourquoi, et boum, boum, boum, boum. Et puis voilà, on va voir si elle va tirer les rideaux. C'est la classe, merci pour cet instant poésie encore. Arnaud, bonne soirée, gros, à Molenbeek. Pas bonne soirée. Ouais, merci. Je sais pas si on peut associer bonne soirée et Molenbeek ensemble, mais. belle vie, quoi. Salut, mec, à bientôt, Arnaud. Et on embrasse tous ceux qui nous écoutent à Molenbeek, évidemment. On ne déconne pas. 1h37 du matin sur Fun Radio, tout va bien. Merci de nous avoir choisis. Mario arrive dans quelques instants, 31 ans, à Liège. Mario qui veut faire tourner la roue des jeux. On va voir sur quoi Mario va tomber. On va jouer avec Maître Kevin aussi, à Fils de Poupe. Vous vous inscrivez au 6322. Vous commencez le message par M-I-K-E. Le son tout de suite. C'est Usher, ça a été demandé sur les SMS là, au 3044. C'est Scream, à se mettre à fond, faites-en profiter tout le quartier. Open Space, Libertad. Bonne nuit sur Fun. Toute une génération pour foutre le bordel. Mike Open Space. Mike Open Space, le soir sur Fun Radio. Yes, I, c'est moi en direct avec Jonathan, je avec Coralie, Maître Kevin aussi, avec Jérôme, le stagiaire qui est là, qui squatte les SMS au 30-44. Et avec, dans quelques instants, la suite du son Dance Floor, il y a Kungs qui arrive. Ah, j'adore ça. This Girl. Connectez aussi sur les réseaux sociaux de l'émission, sur le Facebook Mike Open Space. Je compte sur vous pour aller liker la page si ce n'est pas encore fait et pour apporter votre soutien à l'émission la plus incontrôlable du pays qui accueille Mario, 31 ans, Liège. Bonsoir Mario. Hola Mario. Bonsoir. Qué tal? Pardon? Est-ce que bien? Je parle pas l'italien. Tudo bien? Je parle pas l'italien, non. Ah, tudo bien? C'est portugais ça. J'en ai rien à foutre, tu t'appelles Mario, tu vas me répondre. Voilà, t'as tout compris. Bon, Mario, frérot, bienvenue dans l'émission. Tu fais quoi, tiens, ce soir, mon Mario? Pour l'instant, bah, je joue. Oui. Tu joues à quel jeu? Tu geeks un peu? Quel jeu? Si je te fais en commenter le son, ça te dit des souvenirs. FIFA? Ah, Tetris, non, non. Tetris. Ah, non, on est en Sonic. Essayez de trouver, c'est quel jeu? Ah, moi je sais. Ah, c'est Mario, non? C'est Super Mario. C'est Mario? Ah, ouais, c'est bon, je l'ai. Ouh! J'ai gagné un truc dans ma vie. Et est-ce que t'as la version dans laquelle il réussit à enfin baiser la princesse Peach? Non, parce que. J'essaie de la trouver, celle-là. Ah, ouais, non, laisse tomber, le gars, on dirait la définition de ma vie sexuelle. Bon, il arrive jamais à pécho. Mais pause, parce qu'on s'entend plus là. Ouais, mais pause, s'il te plaît, Mario. Alors, j'ai diminué le son, alors. Ah, c'est marrant, tu t'appelles Mario, tu joues à Mario. Lol, mort de rire. Alors, c'est ton vrai prénom en plus, Mario? Bah ouais. Eh ben on y va, on va faire tourner la roue des jeux, mon Mario. Pour te consoler, pour te faire oublier ton prénom, Mario. Roue des jeux qui tourne, tu dis stop quand tu veux, d'accord? Pour, ouais. Pour que tu puisses repartir avec du cadeau Fun Radio, vas-y, c'est parti. Stop. Ok, on va voir. Tranquillement, roue des jeux qui s'arrête doucement mais sûrement. À quelle sauce seras-tu mangé ce soir? Et c'est le jeu du Complete This Game. Complete This. Alors, je t'explique le principe, Mario. Ça va se faire sur le son de MC Hammer. Can't Touch This, tu connais? Complete This. À chaque fois qu'il dit Can't Touch This, il faut sortir un mot en rapport avec le thème que Jonathan aura tiré au sort. Toute l'équipe va jouer, il te faut nous éliminer un par un pour repartir avec du cadeau Fun Radio. Ok? Ok. Alors, Maître Kevin, vous jouez, Jérôme, tu joues aussi. Vas-y, Jonathan. Je le pire, c'est que c'est moi qui écris les trucs du jeu, mais j'ai jamais remporté une seule manche de ce jeu. Donc, il y a la preuve que je suis nul. Alors, attention, des matières ou des cours que t'as eu à l'école? Matières ou cours à l'école, Maître Kevin, vous jouez. Donc, ça va être comment? C'est toi, Mario, qui va commencer, d'accord? Mathématiques. Mario, tu commences? Oui, non, mais attends, c'est pas à commencer, Mario. Ensuite, Jonathan, ensuite Jérôme, ensuite Coralie, ensuite Maître Kevin, et je termine, ok? Ok. C'est parti, 3, 2, 1, aidez-nous chez vous à la maison au 30, 44, des cours qu'on a eu à l'école. Mathématiques. Ah. Géographie. Le français. Histoire. Maître Kevin. Art plastique. Chimie. À toi, Mario. Gymnastique. J'ai arrêté l'école. Allez, c'est perdu, les gars. J'ai éliminé. Éliminé. Sérieux, là? Nous ne sommes plus que 6. 5. Ah oui, 6. Non, 5, mais Maître Kevin compte pour 2. Je peux te dire que dans le slibar, il compte pour deux, le gars. Enfin, c'est ce que ma meuf m'a dit. Enfin, ah, attention. Sa meuf m'a dit. Ma meuf m'a dit. On se calme tout de suite. Maître Kevin, j'ai vu qu'il était avec sa meuf ce week-end d'ailleurs. Ouais, on a passé un très bon week-end. Ouais, j'ai vu ça, frérot. Hein. Ouais. Et conduit une Ferrari, celui-ci. Hein. Ah, bah tiens, ça tombe bien que tu dis ça. Des marques de voitures. Ah, très bien. Alors, Mario, ouais, tu commences. Anticipe. Mario, ouais. Tu commences. Ensuite, ensuite Jérôme. Ensuite, Coco. Maître Kevin. Et je ferme la marche. Une Polo. Ok, t'as pas commencé par la plus prestigieuse. Ferrari. Smart. Maître Kevin. Bentley. Clio. Attends, attends. Non, oui, en je fait. Je m'élimine moi-même. Oui, non, mais attends. Je voulais éliminer Mario parce qu'en fait, Polo c'est Volkswagen, donc ça passe pas en fait. Ouais, ouais, c'est ça, on a dit des marques, pas des modèles. Non, mais ouais. Je suis éliminé puisqu'on ne l'avait pas repéré pour Mario, donc c'est moi qui me repère moi-même. Je suis éliminé de ce jeu, il reste Jérôme, Coralie, Mario et Kevin. Attention, on joue avec des animateurs du journal télévisé en France ou en Belgique. Très bien. Mario, tu commences. Sandrine Corban. Animateur actuel ou passé hein, Laurence Ferrari. On dit du journal télévisé hein. Akima Darmouche. Maître Kevin. David Pujadas. On voit les références. Mario. Laurent Olot. Luc Gilson. Claire Chazal. Ah, mettez-y plus de conviction les gars. J'étais pas sûr en fait. Mario. Alex Bâtard. Non, c'est quoi ces noms de fous là? C'est ça. Excuse-moi, il y a Laurent Blanc aussi qui a animé le. Arrête tes conneries, tu vas me sortir une personnalité que ça va passer à chaque fois ou quoi, Mario? Une fois, deux fois, bon ça va, mais bon, trois fois, on va pas abuser. Bon alors, Mario éliminé, tu paries sur qui pour repartir avec le cadeau? C'est bâtard en fait. Hein. Yeah. D'accord, tu choisis qui pour te représenter, Mario? Il reste qui dans le jeu? Il reste Jérôme, Maître Kevin ou Coralie? Faut que tu paries sur la bonne personne pour repartir encore avec du cadeau. Oh, moi je dirais, allez, Jojo là. Quoi Jérôme Lolo. Jérôme, ouais. Ok, Jérôme. Très bien, merci. Appelle-le Gérard. Pareil. Allez, Gérard. Merci beaucoup de parier sur moi. Des sons finissant par aise. Des sons finissant par aise. Donc des mots finissant par le son aise, en fait. Maître Kevin y commence, ensuite Jérôme, ensuite Coco. Nous sommes aux demi-finales. Une merguez. Pas mal. Le malaise. Puis à l'aise. Kevin. Un trapèze. Personne veut le sortir en fait. Hein. Le blaise. Les blaises. Je suis balèze. Déjà dit. Bah non. À l'aise blaise. Mais balèze. C'est pas la même chose. À l'aise blaise, il a dit c'est bon, ça passe. Hein, Éliminé. Il y en avait plein. Il y avait je te baise. Mais je te baise. Ah, j'y avais même pas pensé. Mais on voulait tous le sortir depuis tout à l'heure. C'est ça. Bon, alors, éliminé Jérôme. Ah, bah, voilà, Mario s'est parié sur la mauvaise personne. Désolé, frérot. On va quand même faire la finale de ce complet 10 game. Jonathan se dépêche. Allez, attention, c'est ce qu'on peut gratter. Quoi? Qu'est-ce qu'on peut gratter? Ah, ok. Voilà. Bon, gratter dans le sens gratter ou gratter? Dans le sens gratter. Ah non, mais ça a double sens. Dans tous les sens. Oh là là, ok. Fatigue celui-là. Dans tous les sens. Qui commence? Coralie. Vince. Mais non. Bah si, je peux le gratter, je le gratte de la thune, tu vois. Ouais, ça passe. Ah, ton jeu, c'est trop vaste. Un jeu. Oui. À gratter. Mon bras. Oui. On n'a pas fini ici. Bah, genre... Mon cul. Mais, ça, je vous mais non. Il l'a dit. Non mais ça je vous explique, c'est Jonathan, il lui manquait un thème. Mais non, pas du tout. J'en ai un autre peu gratter. Mais non, mais j'en ai un autre en plus qui était pas mal. Je pense qu'on va faire ça. Des animateurs de Fun Radio. Allez, animateurs de Fun Radio, on parle. Voilà. Plutôt ça m'arrange plus. Facile. Fun Radio France. Non. Fun Radio France. Non. Et Fun Radio Espagne aussi d'ailleurs. Loca Fun Radio. Ça c'est Loca Fun Radio, mais ça a fermé, hein, c'est conneries. Fun Radio France. Karel. On l'embrasse. On l'embrasse, frérot. Bruno Guillon. Frérot, t'as tout mon soutien, frérot. Maître Kevin, Bruno Guillon, il a dit. Marion. Ça peut être des anciens aussi, hein. Ah ouais, ça peut être. Maître Kevin. Sophie. Allez, ton patron. Vince. Inch'Allah pour lui, hein. Ah ouais, c'est vrai, il est en France maintenant, ce con. Arthur. Pas mal, Maître Kevin. Anso. Pas mal, on embrasse. Lévi. Bien, Manu Lévi. Bien. Ah oui, c'est vrai. Ludovic Faucheron. Ah, notre directeur. Evan. Bien, frérot. Bravo. Ouais, il a fait. Ici, il a fait Fun Radio France, bien mais sûr. Pas... Evan, il est très bon. Ah ouais. Mais si, si, il a fait. Il faisait l'émission avant Arthur. Ok. Des futurs, ça compte. Lara Belle Rose. Non, fait... non, c'est pas. C'est, mort. C'est quoi c'est ça mort, Lara Belle Rose. Elle fait l'été. Mais elle fait l'été de quoi? Elle fait l'été en France? Attends, sérieux? Une exclue. Attends, elle a pas le droit de dire. Elle me dit un truc à l'antenne, elle me dit chute après. Sérieux, Lara, elle était en France? Normalement, ouais. Ah oui, normalement. Pour le morning. Bah, t'es connerie, elle est chanteuse, Lara? Non, mais je te jure. Bah, elle fait de l'animation radio aussi. Bon, appelez-moi Lara. Appelle-moi Lara. On appelle Lara dans 5 minutes. Elle décrochera pas. On appelle Lara dans 5 minutes. Ok, très bien. Ah, je suis chez quoi? D'accord. Avec Vince? Non. Toute seule? Avec Jay? Je sais pas avec qui elle va le faire, mais elle va sûrement faire le morning pendant l'été. Bon, bravo, bravo Malheur d'amour, hein, ça fait plaisir. On a trouvé l'identité du zapper fou, en fait c'est la zappeuse folle. Eh, on l'embrasse tout le temps, et le zapper fou, on l'embrasse, il est venu te parler, Jonathan, sur le. Il est venu me parler, sur son Twitter. Il nous souhaite bonne merde pour l'année prochaine quand on reprendra le 20h-23h. Voilà, non, je dis ça. Non, mais c'est vrai, il écoute l'émission en plus, le zapper fou, si vous connaissez pas, c'est un tweetos en fait, je sais pas qui c'est, mais il a tout le temps des infos de ouf sur de la dingue, télé. De dingue. Mais vraiment des infos de ouf sur la télé. Et c'est lui qui a dit que le Franzosic allait peut-être partir chez TPMP, que Vince allait peut-être. Blablabla, rue Bayard. On peut pas tout à fait vous dire quoi, mais. Et donc il est venu nous parler, il écoute l'émission, ça fait super plaisir. Voilà. On l'embrasse. Et nous aime bien en tout cas. On a deux confirmations, il nous aime bien, et c'est pas David Barbet du coup. Parce qu'il nous aime bien, c'est QFD. Bon, Mario, je t'embrasse et je te repasse Coralie au standard. Malheureusement, pas cadeau pour toi, c'est perdu. Mario. Moi, je peux faire un petit défaut sur un petit défaut room. Tu veux faire un défaut room sur quoi, Mario? Sur Coralie, bien sûr. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'emmerder. Ah, gratos. Bah, dis... gratos quoi. Et bah, j'aime quand on emmerde mon ex gratuitement, donc je t'en prie, Mario. Bah, juste pour te dire que c'est une grosse connasse que j'aime pas, voilà, que de pied du cul. Bon, mais bon, on aime bien. Non, c'est pas vrai, elle a le cul qui sent la cerise. la frite plutôt. Permets-moi de te le dire. Oui, mais sauce Brésil, attention. Bonne soirée, Mario. Salut, frérot. Ouais, je t'en passe Coralie, à mon avis, tu vas être bien reçu au standard. Ouais, Ouais pas de soucis, tranquille. Bisous, mec, à bientôt, Mario, dans l'émission. 1h50, on va jouer avec Maître Keen. On va faire la deuxième manche de du merde. Clash de la merde auditive ce soir. Jonathan, c'est les chanteurs qui n'ont. C'est quoi d'ailleurs? Les chanteurs qui n'ont pas fait beaucoup de titres, mais. C'est quoi le thème de ce soir? Je vais le dire, laisse-moi. C'est des chanteurs ou chanteuses qui, dans leur titre, définissent très très bien leur sexualité. Oh, c'était tout simple en fait. Voilà, c'est tout con. Ce sera dans quelques instants, c'est vous dans l'équipe et vous chez vous à la maison qui allez déterminer quel point. Moi contre Jonathan, Maître Kevin arrive aussi avec Fils de Poub et il nous dit tout sur Enora Malagré. Voici Kungs! appeler l'Open Space. Go 02 851 4x0. Mais soyez bon. C'est pour les potes d'un pop mythomane. Pire qu'une drogue, à chaque fois ça finit trop mal. Je voudrais qu'ils me l'avouent, qu'ils me le disent. C'est tout depuis qu'ils m'ont, comme ils respirent. Je m'étouffe. Allô docteur, je me sens mal. J'ai peur, je crois que mon pote est mythomane. Il déconne, je le soupçonne depuis des mois. Je suis pris en train de répéter ses phrases avant de rentrer chez moi. Il commande une pizza mais dit que c'est lui qui cuisine. Pour faire croire qu'il est en couple, il traîne en ville avec sa cousine. C'est horrible, ça empire, comment faire? Fils unique, il m'a dit sur la tête de mon frère. Ça devient gênant, je te jure, j'ai peur de le voir. Mais c'est mon pote alors, je fais semblant de le croire. J'entends oui quand il dit non. Je connais toutes ses mimiques quand il parle. En live de Miami à la piscine municipale. Putain, ça devient difficile, je perds la raison. Est-ce que c'est bien sa maison? Est-ce qu'il nous a dit son vrai prénom? Je fais des tests, j'enquête, je deviens parano. Quand il se tait, je sais qu'il en prépare un autre. Le pire, c'est que je vais douter le jour où il va mourir. Je mélange le faux et la vérité dans tous mes souvenirs. Promis, juré craché avec le sourire. Il me fait même plus marcher, il me fait courir. On a tous un pote, mytho. Tous un pote, mytho. Si t'as pas de pote, mytho, c'est que c'est toi le pote, mytho. On a tous un pote, mytho. Tous un pote, mytho. Si t'as pas de pote, mytho, c'est que c'est toi le pote, mytho. Tous un comme ça, une fille ou un gars. On l'aime même s'il dit n'importe quoi. On a tous un pote, mytho. Tous un pote, mytho. Si t'as pas de pote, mytho, c'est que c'est toi. Bon, j'avoue, au départ, je pensais qu'il allait changer. Mais tu le connais à chaque fois, il finit par se laisser tenter. Bon j'avoue, au départ, je pensais qu'il allait changer. Mais tu le connais à chaque fois, il finit par se laisser tenter. Il a que des embrouilles, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Vu que tous les jours, il m'étonne, il m'étonne. Quand on lui demande où sortent les infos qu'il nous donne, c'est www.mytho.com. Il est fort comme un bœuf, il fait que de grosses teufs. Il sort avec plein de meufs, au moins 29. Au moins 29. Aucun mytho n'est trop gros, et quand on lui demande, il a perdu les photos. Il a la classe d'un acteur, quand il joue, il dit qu'il était dans le même club que Zizou. Ah ouais, je le connais bien moi. Non mais attends, pourquoi tu mens? Ça fait 10 ans que t'es remplaçant. Il évite les conneries toute la journée avec les potes, il nous pousse à bout. Faut qu'il évite, faut qu'il arrête, faut qu'on amène voir un marabout. Pathétique, il empire, c'est pathétique. Il pourrait dire que sa mère est morte pour un paquet de chips. Paraît qu'il est champion en toute catégorie, que c'est le troisième frère de Big Flo et Oli. Et quand j'y pense, le pire c'est quoi? Lui qui m'étonne ou moi qui y crois? On a tous un pote, mytho. Tous un pote, mytho. Si t'as pas de pote, mytho, c'est que c'est toi le pote, mytho. On a tous un pote, mytho. Tous un pote, mytho. Si t'as pas de pote, mytho, c'est que c'est toi le pote, mytho. Tous un comme ça, une fille ou un gars. On l'aime même s'il dit n'importe quoi. On a tous un pote, mytho. Tous un pote, mytho. Si t'as pas de pote, mytho, c'est que c'est toi. Bon, j'avoue, au départ, je pensais qu'il allait changer. Mais tu le connais à chaque fois, il finit par se laisser tenter. Bon j'avoue, au départ, je pensais qu'il allait changer. Mais tu le connais à chaque fois, il finit par se laisser tenter. C'est pour les potes d'un pote mythomane. Pire qu'une drogue, à chaque fois ça finit trop mal. Je voudrais qu'il me l'avoue, qu'il me le dise. C'est tout depuis qu'il ment, comme il respire, je m'étouffe. On a tous un pote mytho. Tous un pote mytho. Si t'as pas de pote mytho, c'est que c'est toi le pote mytho. On a tous un pote mytho. Un pote mytho, si t'as pas de pote mytho, c'est que c'est toi le pote mytho. Tous un comme ça, une fille ou un gars. On l'aime même si il dit n'importe quoi. On a tous un pote mytho. Tous un pote mytho, si t'as pas de pote mytho, c'est que c'est toi. Bonne nuit, merci d'avoir choisi Fun Radio, c'est l'Open Space. Jusqu'à 2h. Turn up the radio. Il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. Bah ouais, Ah ça c'est parce qu'on a été chez Ikea ce week-end. Non, c'est parce que j'essaye de parler flamand là. Ah. Je suis en train de faire un effort, tu vois pas? Ah ouais, c'est pas mal. Oui. Tu t'améliores. Coralie qui m'a appris à dire bonjour en flamand. Vas-y. Ah putain, j'ai oublié. Coco, vas-y. Goeiedag. Goeiedag. Goeiedag. Goeiedag. Goeiedag. Goeiedag. Goeiedag. Maître Kevin, il essaye. Goeiedag. Goeiedag. Ah, c'est pas mal, mais tout bien. Moi, je le dis, moi. Et je paye un Berliner. Goeiedag. C'est de l'allemand, ça. Merci, oui, je le confonds tout. Bon, dans quelques instants, sur Fun Radio, il y aura Avicii qui arrive. C'est la suite. Ah, c'est pas du tout celui-là qu'on va écouter. Non, c'est pas celui-là, mais c'est Avicii quand même. Oui, non, c'est celui-ci qu'on va se faire. Test de feeling. Non, mais putain, il veut pas partir, ce con. Merci. Tu pars? J'ai l'impression de dire à Jonathan de quitter l'Open Space. Tu veux pas partir, tu veux pas partir. Je suis comme les nuisibles, je suis toujours là. Terminé le son d'amitié. Bon, voilà, je suis BDR, moi. Test de feeling, c'est ce qui arrive. Résultat du Lotto Foot, on se le fait en speed, Maître Kevin. Ouais, bah c'est très très simple. Alors là, il y a que deux places. Hein. Oui. Donc il y a l'auditeur qui s'appelait. Lou. J'ai oublié son prénom. Lou. Lou, ouais. C'était Loulou. Loul, voilà. Ben, Loul et Zezel sont donc deuxième avec 2 points. Et ensuite, s'ensuit une petite tripotée sur la première place, c'est-à-dire Coco, Jo, Mike et moi-même, premier avec 3 points, puisqu'on a pronostiqué les 3 bons résultats. Oui, mais j'aurais une réclamation à faire, Maître Kevin, s'il vous plaît, à ce sujet d'ailleurs, puisque je trouve que c'est très scandaleux. Si vous avez bien observé le loto-foot jeudi soir, Jonathan a donné les réponses toujours après moi. Coralie, c'est toujours après. Un peu. Non, vous savez qu'on connaît le foot, moi et Maître Kevin. Voilà. J'ai vu. Parce que moi, j'attendais. Quand tu disais Allemagne, lui, il était là. On savait pas ce qu'il disait. Exactement. Mais, excuse-moi. Je propose donc que Maître Kevin et moi sommes démarqués du reste du groupe. Mais n'importe et quoi. Je propose qu'on nous mette en avant. C'est une. Voilà, je propose qu'on prenne la première place de ce loto-foot, Maître Kevin. Êtes-vous d'accord? Mais tu attendais. Je demande à Zub Blatter. Zub, s'il te plaît. Voilà. Il est d'accord avec moi. Il est président de la Fédération internationale du ZOB de. International. Et franchement, moi je te donne ma première place gratos parce que j'en ai rien à foutre et t'es un pauvre connard. Mais en tout cas, sur mes feuilles, il est marqué Jonathan en premier parce que je notais mes réponses avant toi. Non. Donc, si, il est marqué Jonathan Mike après, tu vois. Je te mets en deuxième. C'est faux. Eh ben vas-y, c'est bon. C'est faux. Je gagne ce loto-foot avec Maître Kevin pour cause de copiage. Je vais niquer ta meuf. De Jonathan. Et de Coralie. Je m'en fous, tu peux y aller, elle est disponible. Par non, contre, ça ira, merci. Connasse, mais protège-toi, mes deux capotes. Vous êtes de nouveau ensemble? Non. On s'est réconcilié le week-end. Arrête! On l'était il y a 3 heures, mais bon, là. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Et tu m'as empêché de serrer, machin. Bah, je t'empêche de serrer une meuf, c'est normal. Non. Oh là là, le mec, quoi. Toi, t'as pas été voir hier. Tu l'as pas vu, la Rachel? Non, il a pas vu. Non, elle veut pas que je la voie, putain, elle me fait chier, elle veut pas me laisser son numéro et tout. Putain, mais prends tes couilles, Rachel, je t'embrasse. Non, il verra pas Rachel, il prendra pas son numéro, rien. Allez, bon, allez, faut y aller parce que là il est tard les amis, 2h03 du matin, il reste Maître Kevin encore à faire. La deuxième manche du clash de la merde auditive. Moi et Jonathan, comme chaque soir, sélectionnons des chansons. Oui. Des chansons qu'on se balance dans la gueule l'un l'autre. Ah, de la pure merde auditive, ouais. En rap, des chansons qui doivent avoir un rapport avec le thème de ce soir. C'est ça. Rappelle-le. Le thème, c'est des chanteurs ou chanteuses qui, d'après leur titre de musique, définissent très très bien leur sexualité. Alors, je vais commencer. Allez. Et je vais commencer par. Allez. Je te donne. Autant de chance. Ah, c'est pas mal. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Alors, qu'est-ce qu'il a à répondre à ça? Eh ben, je te réponds que moi, quand j'ai fini avec ma meuf, elle me balance le son 5 généralement. Le son 5 quand j'ai fini avec elle. You're simply the best. Pas mal. Ouais. Le prince Coralie, tu le mets à qui? Je le mets à Jonathan. Merci Coralie. Jérôme. Ah, Jonathan aussi. Maître Kevin. Ouais, Jonathan, parce que voilà, c'est ma tante finalement. Très bien. Eh ben, moi, je vais vous passer le son que. Bah, c'est un chanteur en fait, ouais. Qui a demandé à faire une sodomie à sa meuf. Et malheureusement, sa meuf a dit non. Il en a fait une chanson. Voilà. Non. Non, ça plaît à Maître Kevin. J'aime bien. Mais j'ai quelque chose à rétorquer. Moi la dernière si fois. Si donnait. Attends, laisse-moi kiffer. Vas-y. Un jour. Moi la dernière fois, pareil, j'ai demandé une sodo à ma meuf. Elle m'a dit non et moi je lui ai répondu le son 6. Pas mal. Voilà, simplement. De tes mots, de tes gestes et tes envies d'ailleurs. Et tant pis, Rock voisine, si tu m'interdis de te faire une sodomie pour toi, comme j'ai que tu désires. Passera 3000 ce soir, on va pas se mentir. Bon, alors, moi, qu'est-ce que je vais te répondre? Bah, je vais te répondre. Attends, il y a le point d'abord, hein. Ah oui, le point, vous le mettez à qui? Coco, dépêche. Ah, Jonathan. Jonathan aussi. Maître Kevin? À toi. Très bien, quand même bon, c'est Jonathan qui a 2-0. Bon, alors, moi je vous passe ce son-là, je vous explique après. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Pourquoi? Et pourquoi Hakuna Matata? Eh bien, je vais lever un secret. Qui sait ce que veut dire Hakuna Matata dans l'équipe? Bah, c'est la joie de vivre, non? Maître Kevin? Mais j'en sais rien, moi. Il sait pas. Eh bien, je vais lever un secret ce soir dans l'Open Space. Qu'est-ce qu'Hakuna Matata? Si ce n'est une façon d'exprimer son étonnement face à un gros sexe. Bah non, mais je sais pas. Vous êtes là, les filles. Voilà, vous déboutonnez la braguette d'un mec et là vous dites ah ouais. Putain. C'est n'importe quoi. Jonathan, tu me réponds quoi? Bah je te réponds simplement que, enfin tu sais quoi, je vais laisser le son parler de lui-même, le numéro 7. Prendre un enfant. Voilà. Je crois que c'est, là c'est, alors on a tout fait, hein, c'est bon. C'est pas possible. La chanson préférée de notre ancien animateur ici. On citera pas son nom. Alors, Jérôme. Alors, je peux passer mon tour? Non, tu votes pour qui? John. Ah, pour toi parce que l'autre je l'aime pas. Maître Kevin. Non, pour toi parce que je cautionne pas mal. Je veux qu'on laisse les enfants tranquilles en liberté. Ah, 2-1. Je peux finir? Allez, vas-y. Bah, la dernière fois, tu vois, j'étais dans ma meuf et juste le Covid terminé, je lui ai dit. Je me tire. Ouais, bien. Bah, moi je suis revenu au bas, non, j'ai. Laisse-moi partir loin d'ici. Non, non, moi je me suis renseigné sur. J'ai posé la question parce que je savais pas trop si elle était à voile ou à vapeur. Ouais. J'ai demandé à Céline Dion. Ah ouais? Je lui ai dit voilà, est-ce que tu préfères les filles, est-ce que tu préfères les mecs depuis le décès de René? Ouais. Et elle m'a dit. Céline, putain. Ah, Céline. Alors, le point est va à qui, Jérôme? Jonathan. Ah putain, il me fait chier. Je vais t'apprendre comment brosser. Dans poil, à toi, Mike. Merci, Coralie. Kevin, c'est Xavier, en gros là je donne soit le match nul soit la victoire à Joe quoi. Ouais. Ouais. Allez, moi je suis un mec joueur, je te le donne à toi Mike. Ah mais quel connard. Parce que en plus match nul, t'as gagné la première manche donc tu gagnes en fait, tu vois. Ah là là, écoutez Céline. J'ai quand même réussi à passer du Céline sur Fun Radio. Ah, merci. Eh ouais les gars. Merci. Bravo. Mike. Je crois que 22 jours avant son concert à Paris. Mais t'es vraiment fan pour de vrai? Bah je suis pas fan absolu, enfin disons que j'ai pas vraiment des posters d'elle dans ma chambre, mais je kiffe. Je sais les sirènes. Le froid. Mais la vie sans toi. Sans toi. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Bon, et bah j'ai gagné encore une fois ce clash. Bravo. Merci beaucoup, ne me félicitez pas, j'ai gagné. Bon, et ben voilà, ça c'est fait. Bon, maître Kevin, on va y aller rapido parce qu'il est 2h08 du matin, frérot. Ah, quand même, hein. J'avais pas vu l'heure. Laurent est là, 30 piges à Durby. Salut Laurent. Salut Lolo. Salut, salut. Ça va Laurent? Ça va bien, et vous? Ouais, tranquillement, Laurent. Tu veux gagner du cadeau, Laurent? Ah, il paraît. Alors, frérot, alors attention, maître Kevin, t'as sélectionné des extraits, des musiques, tous extraits et tous tirés de publicité, bien connus. À toi de trouver quel produit est mise en avant par cette publicité, ok? Bon, faut que tu réussisses à associer ça à une publicité, sans c'est des trucs connus, hein, généralement, de maître Kevin. Alors Kev, on y va, son numéro 1, frérot. Ah, signore, signora, elle, c'est le contenu entre le Brésil et Portugal. Oula. Marvelous Mambo. Ah ouais, ah, je vois. Marvelous Mambo. Ah, Ronaldinho. Ah, je sais. Wow. Tu l'as, Laurent, ou pas? C'est une blague, ça? Non, c'est une vraie pub, ça te dit rien? Actual. C'était pas les Panzani, maître Kevin? Non, c'était la pub de Nike pendant la Coupe du Monde 2006. Ah ouais, Bonito. Ah putain. Attends. Ah oui, Roca Bonito, ouais, putain. Bien connu. Attends, c'était il y a 10 ans, il y a prescription. Ouais, j'avoue, c'est dur. J'avoue, c'est dur. Bon, maître ouais. Kevin, on y va. Elle est passée dans le monde entier. Ouais, mais il y a 10 ans. Oui, il y a 10 ans. On y va, frérot, on y va. Il y a on y 10 va. Ans. Son numéro 2. Bonjour, je m'appelle Eric Cantona. Et moi, quand je me rase, je prends le rasoir parce qu'il y a une lame. Et cette lame, elle est unique. Et regardez ma peau, il n'y a pas un pli. Et ça, c'est le best, c'est le king du rasoir. Il nous fait que du foot ce soir. Mais déjà, Eric Cantona, il est pas en prison. Bah non, Eric Cantona, c'est un joueur de foot. Bah non. Ah oui, non, je confonds avec l'autre là qui a tué sa femme. Avec Ivan Colonna. Oui. C'est le... Oui, un Corse pas très sympa. Alors, Laurent, t'as la bonne réponse? Bah, je dirais Gillette, mais sans certitude. Wilkinson. Ah mais... non, c'était l'autre. C'est les rasoirs Bic. Ah oh, super mal, tu t'arraches la peau. Mais franchement, je pense que dans Attends, Tonna, à la base, il fait des pubs Aishi. Mais c'est ça. Ça fait rien à voir, quoi. Dans ta vie, t'as marqué 35 buts, t'as été ballon d'or et tout, et puis tu finis à faire des pubs pour Bic. C'est ça. Bon, hey, tu sais quoi, mon petit Laurent, on a pas le temps de faire le dernier, Laurent, parce qu'on est vraiment hyper à la bourre. Il reste le JT déjanté, donc je te gère du cadeau d'office, ok? Ah, c'est cool. C'était con, c'était le champion d'or, j'allais chanter. Qu'est-ce qu'il y a, maître Kevin? Et c'est con, ça allait être le shampoing d'op. Ne pique pas les yeux. Évite les deux. Dop. Ouais, facile. Bon, bonne soirée, Laurent. Merci. Je te repasse Coralie, raccroche pas, ok, gros. Ok, tu reviens quand tu veux dans l'émission, hein, toi aussi, mon Laurent. Bon, prochain jeu de maître Kevin, demain, dans l'émission. Voici Avicii, Conrad Sewell avant le JT déjanté. On est sur Fun Radio en direct. Ah oui, attends, il part pas le son. Je me demandais pourquoi il partait pas. Have a coke and just sit here beside me. I take a little of my heart again, so we can feel forever you feel. Together be real, together and no one can stop me. Make it easier to sing, yeah. Make it easier to sing, yeah. Mm, it feels good as we stand on the shore and now. Jump in, I grab another coke and let's dive in. Bonne nuit tout le monde. Are you ready? Une galère? Appelez l'Open Space. 02 851 4x0. Mais soyez bon. 2h14 du matin sur Fun Radio. Avant de se quitter, on y va. On vous donne les titres à la une de l'actualité demain comme chaque soir. Voici l'heure du JT déjanté sur Fun. Bonsoir maître Kevin. Hello Gonathan. Hello Jérôme. Hello Coralie. Hello à tous. C'est long, c'est difficile et ça met votre foi à l'épreuve. Et oui, on ne vous parle même pas d'une saison de football du Standard de Liège, mais du Ramadan qui vient juste de commencer. Insolite. Oui, ne trouvant pas de prénom pour leur fils, des parents prennent celui inscrit sur la première bouteille de coca qui passait par là. Le petit zéro se porte très bien. Une photo de Maggie de Bloch et un drum bien gras. Pas évident le jeu des 7 erreurs de ciné-télé-revue de cette semaine. C'est dégueulasse. En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. Et en juin, si tu trouves le soleil, tape dans tes mains. Le monde va mal. Et oui, le jour où un télo est devenu une insulte, on aurait déjà dû s'inquiéter. Si la connerie était de l'essence, ce serait l'émission la plus utile du monde. Mike Open Space, avec Jules et Jonathan, juste après. On va faire un refresh jingle pour demain, y'a pas de soucis. Eh, j'aime bien avec Bip. On refait les jingles pour demain, y'a pas de galère. 2h15 du matin, on est pile à l'heure pour se quitter, les amis. Maître Kevin, il nous raconte tout sur Enora demain, d'accord? Demain, oui, demain. Il m'a dit qu'il savait bouger sur Bova. Alors attends, il a écouté notre message ou pas, juste vite fait? Non, en fait, le truc, c'est que bon, oui, enfin, il a écouté, il m'a dit c'est qui ce con. Ah après... Je suis content. Ah, je suis refait. Ça sent le mytho, ça sent le mytho. Non, c'est vrai. Non, si maître non, je te jure. Non, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Non, non, je raconte. Mais non, non, c'est un gros mytho parce que s'il avait vraiment écouté ta voix, il aurait dit c'est qui ce gros con. Et aussi ce week-end, j'ai fait un truc où j'ai essayé de le piéger, tout ça, et je suis tombé sur sa femme. Et bon, il a reconnu ma voix, tout ça, donc voilà. Bon, ah, et tu t'es fait engueuler? Je vais peut-être passer à la compta, mais bon. Ah ouais? Plus tard. Sérieux, frérot? Mais n'importe quoi. Non, je déconne. Il a chié dans ses chaussures. Non, mais attends, il a kiffé le message ou pas? Parce qu'on lui a laissé un message vendredi, hein, jeudi soir dans l'émission. Avec Miss. C'est jeudi soir, ouais. Il a pas kiffé en fait. Hein, Non, il a pas kiffé. Oh, pourtant, c'était tard en fait. On lui a fait avec Miss Italia Belgio, hein. Oui, c'est vrai, mais il en a rien à foutre. Ah ouais, d'accord. Non, mais quel connard. Donc il nous a insulté alors? Non, non, mais ben, c'est dit avec bienveillance. Ouais, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est quoi, je l'appelle demain 23h. Et moi, tu sais quoi, à partir de demain, je regarde 5 à 7 avec Arthur. C'est ah, fini, ouais, voilà. On va regarder tous 5 à 7 avec Arthur sur TF1, je peux vous le dire. Allez, allez. Ah non, j'ai pas le droit de le dire parce que ça aussi, c'est un mot interdit de chez nous. Allez-y, maître Kevin, dites-le. Allez, les bleus. Ouais, bien sûr. Bon, à demain, maître Kevin ira nous raconter ça en détail. Bisous, ma coco d'amour. À demain, ma chérie. Bisous, mon Zézel aussi, qui est chez lui, là, qui va revenir demain. Bisous, Jérôme. Bien joué hein, pour le taf ce soir. Bravo, frérot. Merci, à demain. Oui, à demain. À demain. Voilà, à demain. T'as cassé le rythme. Bon, bisous, mon Jonathan. À demain. À sa manière, la Mike. Yes, on vous fait plein de bisous chez vous, à la maison. Je compte sur vous pour rester connecté sur le Facebook tout au long de la soirée, tout au long de la journée. Demain, entre demain sur le Facebook, Mike Open Space. Voilà, qui est la page. Twitter, Mike Fun Radio. Snapchat, Mike Open Space. On met plein de vidéos d'ici à demain. Profitez des gens que vous aimez. Voilà, profitez de la vie, les amis. C'est un petit peu bateau de dire ça, mais voilà, il faut toujours le rappeler. Et on se retrouve demain dès 23h sur Fun Radio. Nous, on sera bien en direct de l'avenue Télémac 33 à BX pendant que certains iront se la raconter rue Bayard. Ouais. On les embrasse en tout cas, on lui souhaite bonne chance. Bien bisous sûr. Tout le monde, Libertad. Et à demain, Libertad. Mike Open Space revient demain dès 23h pour retourner le pays sur Fun Radio. Mike Open Space. Mike Open Space, le soir sur Fun Radio. Bonne nuit, la Belgique. La la la. Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Expliquer les mots, les mots cette fois sont de trop. Trouver la lumière, hey, garder cette flamme qui s'éclaire. On se rapproche, on s'attache un peu. Pour tous les fêtards, tous ceux qui savent.

and feel today. And feel today.